Le débat des hauts. Ça, c'est Radio Gémozo. Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue dans la nouvelle émission de Radio Gémozo. Alors, ce soir, une nouvelle tentative, une nouvelle expérience sonore sur la radio qui ne ressemble à aucune autre, associative, libre, indépendante et toujours, toujours sans la moindre publicité. Alors, il est 20h01, on est un petit peu en retard. Ce soir, au programme de Débat des Hauts, donc notre émission à Julien F, moi-même, et Julien D, qui est de l'autre côté de la glace. Bonsoir Julien, bonsoir. Coucou. Coucou. On a comme invité exceptionnel ce soir PJ. PJ, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, bonsoir. Donc ensemble, on va discuter pendant à peu près 2 heures. On verra si on a suffisamment de choses à vous raconter pendant 2 heures. On arrêtera peut-être plus tôt, je ne sais pas, en fonction de l'inspiration de nos amis derrière la vitre. L'intelligence artificielle. Tout un programme pour occuper nos neurones pendant 2 heures. Alors, on va commencer par un petit peu planter le décor. L'intelligence artificielle, c'est quoi ? De quoi parle-t-on techniquement ? PJ. L'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est quelque chose de complexe à définir. Bah déjà, tout simplement, l'intelligence, le fait de mener des actions coordonnées. Artificielle, parce qu'on partirait du principe qu'elle n'aurait pas de lien de création avec la nature, que ce ne serait pas quelque chose de naturel et que ça aurait été forcé. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, la coordination d'informations intelligentes forcées et créées par l'être humain. D'accord. Au niveau de ce que ça implique, enfin, au niveau de l'historique, moi, ce que j'aimerais qu'on essaye de voir ensemble, Julien D, je sais que tu as un petit peu fouillé dans l'historique, dans les dates, dans tout ça. Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est vrai que c'est assez ancien. On a commencé il y a pas mal de temps à penser à ça. Bon, on va pas aller jusqu'à la Grèce antique, mais c'est vrai que le fantasme de l'intelligence matérielle, matérialisé, mécanique, c'est quelque chose que dans l'histoire, on en parle avant l'informatique. Avant l'informatique. Tout à fait. Et au niveau de l'informatique, ce qui nous concerne plus ce soir, c'est apparu quand ? On a une idée de quand c'est apparu ou dès le début ? C'est une question. L'intelligence artificielle existe avant l'informatique, donc dans l'informatique, ça existait quand ? Ben avant. Ouais. Après, il y en a eu toutes les époques. Il y a eu plusieurs choses. L'intelligence artificielle, pour répondre à la question, c'est quoi ? C'est déjà, il faut se poser la question, c'est quoi l'intelligence ? Alors, il y a plusieurs définitions d'intelligence, mais on a tendance à entendre souvent, intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème nouveau. Prenons les échecs. Voilà, les échecs. On a tous le petit jeu d'échecs dans l'ordinateur. Bon, c'est pas forcément le premier jeu que mes contemporains iraient ouvrir dans les accessoires ou dans les jeux de Windows, mais plutôt le Tetris, non ? Oui. Non, mais c'est vrai qu'on a tous vu donc des jeux d'échecs dans un ordinateur avec la machine qui va essayer de nous battre, qui arrive souvent, mais. Pour ma part, mais voilà, par exemple, si on prend les échecs, on connaît Deep Blue. Sait que les échecs, maintenant les ordinateurs. Est-ce que c'est de l'IA ? Peut-être Deep Blue, dire ce que c'est, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est Deep Blue déjà. Donc c'est le système informatique créé, le réseau neuronal artificiel créé en sous forme, donc grosso modo, on va quand même IBM le dire, une intelligence artificielle. Donc en fait, une capacité de calcul qui calcule des coûts et des possibilités de coûts pour permettre de jouer et de concurrencer l'être humain dans des activités spécifiques comme les échecs. Ouais. Mais voilà, l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence, c'est ce que je disais, c'est la. Pour moi, je suis partie d'un groupe de personnes, je pense assez représentatif. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème nouveau. Est-ce qu'on peut considérer que résoudre un problème d'échec, c'est nouveau ? On peut éventuellement dire ça, mais ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit de prime abord. L'intelligence artificielle, c'est donc un système non vivant qui va être capable de résoudre un problème nouveau. Résoudre un problème, ça, on le sait tous, tous les objets. Je vais dire un gros mot, je vais dire Turing. Turing, c'est un des pères fondateurs de la conceptualisation, enfin de l'informatique, De la mise à plat de, et aussi de la mise à plat de ce que c'est une intelligence artificielle. Je crois que c'est lui qui était à la base du fameux test Turing qui permet d'identifier une intelligence. Alors est-ce qu'il est le test de Turing identifie quoi, une intelligence générale? Le test de Turing. Alors, on va parler des voilà. Déjà, on va poser les choses. L'intelligence générale, l'intelligence, le sens commun, toutes ces choses-là, c'est des concepts qu'on a tous entendus dernièrement dans l'actualité. Est-ce qu'un de vous deux peut m'expliquer le concept? Parce que c'est vrai qu'on entend les deux. Donc, qu'est-ce que c'est? La singularité, le sens commun, des choses-là. Je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes, parce que c'est un problème complexe. C'est pour ça que je définissais l'intelligence, avant de définir l'intelligence artificielle, l'intelligence, c'est le fait de faire quelque chose d'un peu compliqué. Ça, c'est un peu la définition à minima. La définition plus complexe, ça va être de résoudre des problèmes très compliqués. Bon, finalement, voilà. Ça s'oppose à une chose très mécanique. Alors, on prend de l'eau, elle tombe. Pour nous, pourrait être naturel. Enfin, oui, non, mais si on prend par exemple de l'eau, elle va tomber, elle va glisser, mais elle résout un problème, pas, je sais pas. En tout cas, ça ne nécessite pas quelque chose de complexe. Elle subit une action extérieure de gravité, elle tombe. Voilà. Un chat, un animal qui a faim, il va faire résoudre un problème pour se nourrir. On ne parle pas franchement d'intelligence. On peut en parler. Peut-être, ça dépend le sens du mot intelligence. Voilà. L'intelligence, c'est l'addition de différents paramètres pour obtenir un résultat. Dans ce cas-là, le chat est intelligent pour chasser. Alors, est-ce que la survie est intelligence? Parce que finalement, voilà, le chat va, pour sa survie, aller se nourrir. Alors, la survie, c'est de l'instinct. Ah, c'est de l'instinct. Non, mais qu'est-ce que l'instinct? Là, on arrive à Darwin. On va déborder, pas à Turing. Voilà. Si l'animal n'a pas les capacités qui va lui permettre de survivre, l'espèce va simplement disparaître, voire même ne jamais exister. Et du coup, le cas, on ne le voit pas parce que n'a pas existé. Oui, parce que dans ce cas-là, si on part dans ce principe-là, le fonctionnement de la physique moderne, ce serait d'une intelligence en tant que telle. Le fonctionnement des atomes, on pourrait dire qu'ils ont une intelligence à fonctionner de la manière dont ils fonctionnent. Or, on a défini que c'était de la physique. C'est-à-dire que ce n'est plus de l'intelligence, c'est un phénomène mécanique. Et on arrive à la fin de ce raisonnement, on arrive à se dire, mais finalement, l'intelligence de l'homme, avec un grand H, on entend, hein, elle a une particularité sur tous les autres animaux. C'est ce que j'allais te demander. C'est l'homme, il a conscience qu'il est un homme. Et quand on arrive à ça, on se dit, c'est vrai qu'il n'y a que l'homme comme ça. Et quand on parle d'intelligence artificielle, l'IA, on va dire simple, on va dire vers court, l'IA, c'est une approche non biologique de l'intelligence. Aujourd'hui, l'IA, elle n'a en aucun cas conscience de ce qu'elle est. Ça arrivera peut-être un jour, ça fait, 69 je crois. 69, 2001, l'Odyssée de l'espace, premier grand concept de fiction où il y a de l'IA. Vu de l'esprit de la part de Stanley Kubrick, mais... Plus connu, on va dire. Ouais, on attaque. Bon, après, avant, il y avait eu Asimov qui en a énormément parlé. Il ne faut pas oublier que des films modernes comme iRobot et compagnie ont été écrits par Asimov en 1908, après, 1910. On va aborder ça plus tard parce que c'est toute la partie aussi du fantasme. Mm-hmm. Alors pourquoi on en parlera plus tard. Mais les règles de la robotique. Les règles de la robotique, toute cette partie fiction, qu'on science-fiction. Parle plus, finalement, on en parlait plein dans les années 90, on n'en parle plus trop, ces fameuses trois règles. Ouais. Et on va revenir sur un petit peu l'histoire de l'IA, c'est ultra important pour nos auditeurs parce qu'à mon avis on va très vite les perdre si on est trop technique dès le début. Donc il faut qu'on va faire l'historique parce que c'est pour ça que je te tendais la perche pour parler des jeux déjà, les jeux simples, les problèmes simples à résoudre pour un ordinateur. C'est être le contradicteur dans un jeu d'échecs par exemple, ou dans un jeu de Go, mais déjà sur les échecs. Donc on va rappeler à nos auditeurs que ça s'est passé en mai 97, Garry Kasparov se fait battre à plate couture pour la première fois par une machine. une machine conçue par IBM, Deep Blue, on en a parlé il y a quelques secondes. Et est-ce que déjà là, on était dans les prémices de ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui Moi, je classe ça une étape parmi les nombreuses étapes dans lesquelles on va mettre de l'IA. On a des traces d'intelligence non humaine, artificielle, non biologique, avant l'informatique. On en trouve plein, je ne vais pas en citer parce que j'en oublie. Mais à l'état de mythe, c'est du mythe. C'est pas réaliste. Pour replacer les étapes avec Kasparov, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle statistique. C'est-à-dire qu'on avait compilé des statistiques de X joueurs et de X parties pour tirer une séquence en disant voilà, il y a plus de chances qu'ils jouent ce coup-là et qu'ils répondent de cette manière-là, et donc qu'ils s'enferment tout seuls dans un piège. Donc en fait, on a opposé Kasparov à son double virtuel, mais qui avait l'outil statistique mathématique pour deviner le coup suivant. Et c'est comme ça qu'il s'est fait battre. Et c'était une première étape. C'est juste une mémoire. Là, c'était juste un problème de mémoire. On a emmagasiné la mémoire de plusieurs humains dans une machine, et du coup, il était plus puissant, comme s'il y avait. Il était quasiment plus nombreux. À prédire le nombre de coups possibles. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Il y avait que des calculs, finalement, basés sur une base de connaissances. Et c'est vrai que c'est la base de l'IA moderne. L'IA moderne, elle date des années 90. Il n'y a pratiquement pas eu d'évolution, algorithmiquement parlant. Alors, techniquement, à l'époque. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on n'était pas encore dans une application comme aujourd'hui des réseaux neuronaux. Il y a une grande différence, je vais y venir, entre maintenant et il y a 20 ans. Mais génération. Les IA d'aujourd'hui, ce n'est qu'une évolution pas plus importante que les autres logiciels en termes d'IA. Ça, c'est un positionnement. Moi, je trouve que c'est quand même assez révolutionnaire. Ça peut être à rediscuter, ouais, mais c'est vrai qu'il y a un chiasme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique de développer complètement une IA sur le savoir acquis et sur la répétition de la connaissance en faisant des statistiques, qui est l'ancien modèle, voilà, qui a été développé pour... on parle de Gargarine, de Kasparov, mais moi je pense à Gargarine parce que je pense à la colonisation de l'espace. Il ne faut pas oublier que ces systèmes intelligents, entre guillemets, ont été faits par réplication pour être sûr de donner les outils aux Russes comme aux États-Unis pour permettre d'envoyer des hommes dans l'espace. C'est ça qui a lancé vraiment cette recherche de machines autonomes. Et donc, statistiques, voilà, des calculateurs, des grosses casio, des grosses calculatrices, c'était vraiment cet héritage des années 70 qu'on a récupéré jusqu'aux années 90. C'est un peu le brute force. Ouais, c'est le brute forcing. C'est, on y va à masse, on compile de l'information à gogo et on voit ce qu'on peut en tirer. Le problème, plus on calcule vite, plus on répond rapidement. Donc il y a aussi et plus on se trompe, parce que du coup on met aussi nos erreurs qui rentrent dans les statistiques et qui peuvent fausser les calculs. D'accord. Ok. La grande nouveauté de l'IA entre ces dernières années, et là on parle de moins de 10 ans et avant, c'est la source de données pour l'apprentissage. Là, aujourd'hui, les IA, et je pense que c'est fait depuis les années 90, sont des programmes qui vont puiser des informations qu'on leur a fournies, ou qui vont chercher eux-mêmes dans des systèmes plus modernes, et ces informations, ils vont balancer des calculs mathématiques là-dessus. Pas plus que ça, des maths, des statistiques, des probabilités, où ils considèrent que quand quelque chose se produit, il y a tant de chances qu'une conséquence se produit. Quand une autre chose se produit, une autre conséquence. Et puis quand on a tout un ensemble de choses, de causes, qui vont se produire, qui vont arriver, ben on va se donner une probabilité d'avoir un résultat. C'est la météo. Moi, j'irai un peu contre cette façon de voir les choses, parce que c'est quand même le principe du réseau neuronal. Quand on entend des spécialistes... on va se tutoyer. Bien sûr. quand on entend, quand tu entends toi aussi à la radio ou sur des chaînes concurrentes, des grands experts parler de réseaux neuronaux, ils le disent tous, mathématiquement, on n'a pas la moindre idée et la moindre solution mathématique pour expliquer le choix qui est à l'issue de ce réseau de neurones. Par exemple, un sacré aveu de non-connaissance du programme qu'on avait. Je pense que c'est le cas pour certains, pas forcément. C'est juste qu'on ne sait pas le résultat. C'est pour ça qu'on le demande à une IA. Non, tout à fait. Mais, on sait comment y arriver. C'est juste que si on veut vérifier le calcul, il nous faudra peut-être 1000 ou 2000 ans. On connaît les mathématiciens, ils rêvent de pouvoir mettre en équation ces choses-là, et ils n'y arrivent pas. Mais c'est la force du calcul. Qu'est-ce qui a changé Parce qu'une partie aléatoire. Qu'est-ce qui a changé dans l'astronomie avec les nouveaux calculateurs? C'est que il y a quelques siècles, les calculs des déplacements de planètes, c'était à la main. Des calculs, mais alors on voit pas. Hein, je monte j'écarte mes mains au maximum, et voilà la longueur des calculs. C'est des calculs extrêmement compliqués. Chaque fois qu'on rajoute un astre, on augmente l'exponentielle du calcul. Et si on veut prendre en compte un environnement où il y a une cinquantaine de sources de gravitationnaires, en gros des astres dans l'espace, ben ça rend des calculs extrêmement compliqués. Avec les calculateurs pas modernes, les premiers calculateurs qui a pu arriver, ben on simplifie ce calcul. Aujourd'hui, quand on parle de l'IA, tu vois ça comme une simple simplification de... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus incertain. Tu vois, il y a un côté incertain que toi, tu visiblement, tu... J'ai dit tout à l'heure. Mineur. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme la météo. Et j'ai pas dit que la météo était certaine. Ouais, mais moi, je rapproche plus ça. C'est les probabilités, c'est la certitude de l'incertitude. On a un outil. Ah, on est certain. Tout à fait. On est certain qu'on a des calculs qui nous donnent un résultat qui sont des probabilités. L'IA va juste prendre la plus grande probabilité. Tout bêtement. C'est juste le calcul pour y arriver. On n'est pas forcément capable de le reproduire tellement il est complexe. Je te dirais oui, mais c'est une vue de l'outil. Tu diras oui juste après un mini break. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Gemozo. Un petit break musical qui va nous permettre de rafraîchir nos neurones avant la suite. Et à tout de suite. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave. Way I don't know, maybe I think of her so much it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, only you. Ça, c'est Radio Gemozo. Alors, nous revoici dans le studio de Radio Gemozo, Saint-Étienne-lès-Miremont. On va éventuellement proposer aux auditeurs qui nous écoutent de nous appeler, hein, s'ils ont des commentaires à faire, s'ils ont un argument à opposer à Julien D, qui est très, très, très pragmatique, hein, très cartésien sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ils peuvent nous joindre, nos auditeurs, au 03 29 62 40 40, même si Marcus ne m'a pas encore montré comment on lançait un appel. On verra ça après. Alors, on va continuer avec PJ qui avait une petite suite à donner à ce qu'on se disait il y a quelques instants. PJ, je te laisse la parole. Eh ben, j'étais en train de penser tout simplement que oui, donc il y a le côté prédictible avec l'édition de statistiques au fur et à mesure. Donc tout simplement, on va demander à un programme de faire un choix parmi ce qui est le plus logique et ce qui revient à se réaliser le plus souvent. Mais je pars du principe qu'on a quand même passé un peu plus que ça aujourd'hui, puisque lorsqu'on fait de l'analyse d'image, c'est Google qui avait fait le test, d'être capable par exemple de repérer dans n'importe quelle photo ce qui est un oiseau, ce qui est un arbre, ce qui est une voiture, ce qui est un chat par exemple, dans une image, dans une photo, dans une vidéo. Et là, c'est quand même l'étape au-dessus, parce que ça veut dire que la machine plus arrive non pas à analyser un point, un pixel, mais à analyser la forme réalisée par cet ensemble de pixels à l'écran. Donc là, on n'est pas juste dans la réalisation de « c'est égal à ça », non, c'est, il faut qu'il comprenne le principe que cet ensemble de la partie de l'image ressemble bien à l'animal qui est recherché. Et je dirais, c'est quasiment ce genre d'application qui a fait passer au level up. Hein. C'est quand ça. Même. Alors, pour rappel, alors j'ai plus les dates, mais les premiers systèmes développés par Yann Lequin, je ne sais pas si vous connaissez, hein, maintenant qui est à la tête de. On l'écoutera tout à l'heure, on a un petit extrait. Yann Lequin qui est à la tête du labo d'IA de Facebook. Donc, c'est quand même une petite start-up sympa. Ce Yann Lequin, qui est un Français, dans ses premiers travaux sur l'intelligence artificielle, était chargé par, je sais plus quelle grosse boutique, je crois que c'est Bell aux États-Unis, un truc comme ça, était chargé de l'algorithme de reconnaissance de caractère des liseuses de chèques pour les banques. Et c'est vrai que les réseaux neuronaux, c'est les premières applications qu'on a eues, il me semble. Et c'est vrai que c'est l'analyse d'image, elle fait partie de l'ADN des nouveautés qu'on a actuellement. C'est... Mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est l'IA, par contre. Non, mais voilà. C'est des programmes très évolués. Très complexe. Est-ce que c'est une intelligence artificielle ? C'est un simulacre de la nature. Pas peut-être. Trop. Pourquoi ? Parce que j'en viens à la définition de intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème nouveau. Mais alors, explique-moi pourquoi tout le monde appelle ça l'intelligence artificielle. C'est encore à cause du fantasme, alors. Un mot tiroir en plus. Un mot tiroir. Pour dire mettre une information, pour dire classer quelque chose d'inclassable. On dirait la nouvelle algorithmie ou je ne sais quoi. Ouais, voilà. Non, mais après, ça remet pas en cause la qualité très élevée de ces programmes. C'est juste que. J'ai peine à considérer qu'on puisse classer ça dans de l'intelligence. C'est des programmes, certes, très sophistiqués, très intéressants, et ceux qui les développent sont très doués. Enfin, là, voilà, c'est pas parce qu'on met pas le terme intelligence derrière que c'est pas un programme fait par des gens très intelligents et très utiles. Mais l'intelligence, c'est quand même le fait de, avant tout, de résoudre un problème. Alors, en parlant de problème... Éventuellement, un problème nouveau. Un problème nouveau qui... découle directement de ce que PJ vient de nous raconter. C'est la reconnaissance d'image, une des premières applications qui nous vient tout de suite. Bon, on a les reconnaissances de visage et compagnie, on en reparlera. Mais la reconnaissance d'image d'une voiture qui se trimballe dans la rue, qui va reconnaître un cycliste, qui va reconnaître un trottoir, la voiture autonome. Et ça arrive demain. Ça arrive. Et je dirais même, c'est quasiment déjà... En vente chez Tesla et compagnie. En vente chez Tesla, oui. Alors, il y a beaucoup de voitures qui sont déjà en vente sur ces technos, non ? Je crois que les tarifs sont encore un tout petit peu prohibitifs, donc ça ne se démocratise pas encore du trop, mais je pense que ça va venir. Parce que, PJ, toi, tu es un peu au fait de ces choses-là ? Ben, je pense que c'est une évolution commerciale qui va permettre en fait de rentabiliser ces tonnes d'investissements que les gens ont fait depuis des années. Voilà, c'est-à-dire que comme il n'y a plus l'espace pour dire étant un besoin qui va nous permettre de financer ces recherches-là qui sont très très très coûteuses, il fallait bien trouver un relais de croissance. Et c'est ce qui a manqué dans les années 90 d'ailleurs. Oui, 80. Dire qu'on fait de l'IA, dire qu'on fait une voiture, ça attire plus facilement les investisseurs que dire qu'on est en train de faire un système pour reconnaître des chats, quoi. Ouais. Si vous vendez un système qui permet de reconnaître un chat qui est perdu dans un arbre, vous aurez moins facile à choper des investisseurs qu'une voiture autonome. Bah, écoute, de la même manière, c'est la même chose. Je sais pas, moi, amoureux de la nature, je serais très très content que ma voiture reconnaisse un chat et ne l'écrase pas. De la même manière, c'est sûrement plus bancable de vendre un système de reconnaissance automatique qui va servir dans le cadre, par exemple, donc de la voiture autonome, que de dire on est capable de développer un système de surveillance de masse qui, avec l'intelligence artificielle, va reconnaître un visage. C'est plus bancable. Je suis pas certain parce que je crois que. Enfin, ça dépend à qui on s'adresse. Voilà. En parlant de bancable, je pense que les industriels du secteur ont quand même compris que leur futur nouveau meilleur client, c'est quand même les États. Enfin, j'avais prévu qu'on en parle un peu plus tard, mais si vous voulez qu'on commence à parler de ça maintenant. On peut revenir sur la voiture autonome. La voiture autonome, autant. Reconnaître un objet, je ne classe pas ça dans l'intelligence, autant la voiture autonome l'est, parce qu'elle reconnaît qu'il y a un chat, mais elle va prendre une décision en fonction de ça. Donc, élément, problème inconnu, il y a un objet, on détecte, c'est un chat, c'est pas une feuille morte, donc on prend un choix de dévier sa trajectoire, mais on va éviter de dévier pour aller sur le trottoir dans lequel il y aura peut-être autre chose. Donc là, on est quand même dans la notion d'intelligence artificielle. Et sur une voiture autonome, est-ce qu'on a aussi l'idée d'apprentissage ? Parce qu'on ne va pas attendre que la voiture tue quelqu'un pour que la prochaine fois elle évite, non ? Je pense qu'il y a eu de l'apprentissage avant. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des voitures autonomes. Moi, j'en ai jamais vu dans les Vosges. J'ai hâte de voir comment se débrouillerait une Tesla. Il y a des Tesla dans les Vosges, il me semble. Hein. J'ai déjà croisé sur Épinal une Tesla, oui, tout à fait. En voiture autonome, du coup. Alors après, elle était conduite, mais c'était bien une Tesla. Donc, comme toutes les Tesla, elles en sont prééquipées. Après, la législation en France, c'est compliqué de se promener. Alors ça, c'est un débat à part entière, la législation. Voilà, après, comment se comporte une voiture sur une nouvelle route, sur un petit chemin de forêt de nos belles Vosges. Magnifique Vosges, hein, le pays le plus beau du monde, hein, c'est bien connu. Hein. Comment elle se comporte si elle n'a jamais roulé que dans une rue, en ville, je ne sais pas. Comment je pense que plus tard, elles apprendront. Ouais, voilà. Pour l'instant, est-ce qu'elles sont réellement si autonomes qu'on va nous le faire croire ? Alors, si elles étaient vraiment autonomes, je pense que toutes les Tesla des alentours seraient en train de se diriger vers nous pour nous attendre à la sortie du studio, nous écraser. Un coup de klaxon. Non, mais alors voilà, la machine qui se retourne contre nous, c'est aussi, ça fait partie des fantasmes. On va écouter un petit extrait qui évoque ça. Hein. J'en ai plusieurs à vous passer. On va en écouter un premier tout de suite. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'espèce humaine. Une fois que les humains auront développé l'intelligence artificielle, celle-ci prendrait son envol autonome et se redéfinirait toute seule à un rythme exponentiel. Les humains, limités par une évolution biologique trop lente, ne pourront pas rivaliser et seront dépassés. Je pense que vous avez reconnu Stephen Hawking, la voix robotique de feu qui a disparu il y a peu de temps. Alors, sa parole, au moment où il a prononcé ces mots, enfin, c'était tellement dans l'air du temps que de parler d'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas vous apprendre qu'on a aussi Elon Musk, qu'on a Bill Gates, on a tout un tas de... On en a la preuve maintenant. Deux. Que l'intelligence artificielle peut se retourner contre ses créateurs. Quel exemple ? L'exemple de Microsoft. Ah. Ça en est la preuve. D'Alexa, Claire. Non, pas d'Alexa, comment il s'appelle. J'ai plus le nom du logiciel. On en est à la preuve. Un chatbot, c'était ça Oui. Qui s'est retourné contre... Enfin, il s'est pas retourné, mais il a montré qu'il n'avait pas... Il a fait quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Parce qu'il avait tenu des propos racistes, je crois. Oui, voilà, un petit peu réducteur. Voilà. En fait, si j'ai bien compris le programme, ce que j'ai pas vu fonctionner, il a pas duré très très longtemps. Il avait comme but d'apprendre tout seul sur Twitter, en fonction des réponses, des mots qu'il pouvait lire, et puis répondre tout seul. Et puis, y a des personnes qui se sont amusées et ils lui ont fait apprendre des propos racistes. Et il s'est emballé. C'est devenu un bon vieux raciste. Mais clairement. Et il faut se dire que c'était sur Twitter, c'était que des mots. Mais imaginons un système qui serait matériel, robot, alors, éventuellement avec des armes. Enfin, l'IA actuelle, serait-elle influençable ? L'IA actuelle est à notre image. C'est un produit de laboratoire. Et comme nous-mêmes, on ne sait pas... Déjà, l'être humain a un problème à définir l'intelligence. Donc, essayer de créer à notre image, en s'inspirant de la nature ou de nous-mêmes, une intelligence, on y met les mêmes défauts. Oui. Elle ne sait pas elle-même ce qu'elle est. Les biais de l'humain se retrouvent dans nous ressemblons, ça, oui. Ouais. Mais dire ça, voilà, contrairement à ce qu'on venait de dire avec Julien D., là, ça y est, on repart du côté où l'intelligence, elle est quand même plus palpable, hein, parce qu'on l'identifie même, on la personnifie en lui donnant nos propres défauts. Donc... Monsieur D, excusez-moi. Bah oui, on avait dit qu'on ne donnait pas les noms de famille. T'as quand même appelé Julien, ça voilà, simple. On va dire Julien. C'est contradictoire avec ta position de départ, malgré tout. Alors, j'avais une position de départ, une position très cartésienne qui minimisait la complexité de l'intelligence artificielle actuelle. Ah, j'ai pas minimisé la complexité. De la nouvelle algorithmique, comme on a dit, parce qu'il y avait vraiment une exagération, une surenchère dans les propos, enfin dans l'appellation, c'est vrai que... Ouais, voilà, c'est plutôt ça. On a envie... Mais je vais faire un parallèle très éloigné. Dans les années 90, j'étais un ado, et là, on entendait parler d'un truc tout nouveau. Mais un truc super nouveau, le DVD, haute définition, 720 pixels. Aujourd'hui, le DVD, c'est juste la conception du système le plus ringard en termes de qualité vidéo. Je vous rappelle qu'on partait des cassettes. Ouais. Mais on venait de loin. La et finalement, on parlait, la Betamax. On parle de HD, de Full HD, de HD Ready, on en a entendu. Alors maintenant, on ne parle plus de HD parce que là, il y en a tellement eu, ça passait un peu trop. On ne parle plus de HD parce que c'est ringard. On parle de 4K, de 8K, de 16K, de 122K. On va parler en méga, on ne sait plus. On ne sait même pas c'est quoi les K, c'est des pixels. Mais... On ne les perçoit même plus, ça. On est à nos limites de notre perception. Et en réalité, l'œil n'est pas capable de le voir, sauf si on s'approche trop près d'écran ou quelqu'un, on ne verra pas tout et on va se crier la rétine. C'est néanmoins le but de pouvoir avoir un grand écran qui est pas profiter d'une image. Non, mais je pense que l'image que Julien veut dépeindre, elle est exacte. C'est que l'intelligence artificielle, c'est sûrement la même chose. C'est que pour l'instant, c'est tellement grossier qu'on la dépeint dans notre algorithmie, dans notre vocabulaire qu'on maîtrise et dans notre logique qu'on maîtrise. Mais le jour où elle aura tellement évolué, on aura le même comportement que justement ce qu'il vient de citer. C'est qu'on mettra le nez, comme on met le nez devant l'écran pour réussir à voir les détails et la finesse du support, on fera la même chose avec l'IA. C'est qu'on n'aura même plus la capacité de comprendre la totalité de sa complexité. Et donc, à partir de ce moment-là, on sera bien obligé de reconnaître qu'elle nous dépassera. Va-t-elle nous dépasser ? Va-t-elle nous dépasser ? Elle est fonction de ce qu'on lui donne à manger ? Monsieur D, que pensez-vous ? Sur certains domaines, elle nous dépasse déjà. On a parlé des jeux. Mais voilà, elle nous dépasse. Certains le disent, c'est pas moi qui l'ai dit. L'esprit critique, l'art, on en est loin au niveau de la créativité. Ouais. Alors, la créativité, en parlant de Go... malgré tout, le fameux supercalculateur, enfin non, c'est plutôt un algo ou un algorithme. Le logiciel super de jeu de Go, là, qui a été inventé par je ne sais plus quelle boîte, c'est Google qui doit faire ça. Non, AlphaGo, c'est Google. C'est Google. C'est Google. Donc, ils ont quand même réussi à nous prouver que la machine a réussi à faire preuve de créativité en inventant de nouveaux coups du fait de son entraînement très très. Il y a un truc là dans ce que tu dis. Ça pour faire preuve qu'elle a fait preuve de créativité, faudrait-il qu'on admette qu'il y a besoin de créativité ? Le jeu de Go... Alors non. C'est normé, la créativité. C'est vrai que... Malgré tout, et vous savez qu'en Orient, en Chine et dans d'autres pays où le Go fait partie de la culture, c'est considéré comme un art. C'est considéré comme un art, parce que c'était vraiment réservé... Ce qui est réservé dans la notion asiatique d'art, c'est le fait d'avoir cette... comme une exécution d'une chorégraphie. C'est quelque chose qui a une place dans la culture asiatique. Donc un joueur de Go qui va être quelqu'un de très cartésien, qui va prévoir ses coups et ses capacités, dans sa manière de jouer et sa vitesse de réaction par rapport au coup de l'adversaire, sera considéré comme un maestro, comme un expert, parce qu'il aura cette dextérité à répondre immédiatement et à être joli et beau à regarder dans sa manière de faire. Parce qu'il y aura une algorithmie qui sera belle à regarder. Mais pour toi, du côté occidental, voilà, du côté occidental, moi, c'est mon avis aussi. Votre côté occidental voit ça, ce n'est pas de l'art, c'est pas un artiste. C'est artistique de voir un joueur humain le faire, mais ce n'est pas de l'art d'une machine d'y jouer. D'accord, ok. On en revient au même, ça reste un peu des maths. Okay. Enfin, un peu que des maths. Un peu que des maths. De la mémoire, une mémorisation d'un certain nombre de choses. Parce que la mémorisation, elle va permettre de pouvoir prédire, mais vraiment au sens mathématique, c'est-à-dire faire des analyses probabilités. On apprend des coups. Quand un joueur joue tel coup, on peut s'attendre à ce qu'après il joue tel autre coup, etc. Et on arrive donc à prédire, prévoir, et prédire c'est le terme, c'est une prédiction, c'est pas une certitude, une prédiction du coup suivant, et à partir du moment où on arrive à une prédiction de 90% qu'un coup sera joué face à côté 5% d'un autre coup, ben tu vas miser tout sur le 90%, puis ça passera tôt ou tard, et puis la victoire va finir arriver comme ça. Alors vraiment, pour avoir une victoire, il faut pas des prédictions à 20%, qu'on estime à 90%. Il faut bien prédire et puis être capable de calculer. C'est des, je crois que le jeu de Go, c'est 10 pour 170 possibilités. Mais ça va être la même chose pour une voiture autonome. On va pas tolérer que le véhicule qu'on conduit écrase quelqu'un. Enfin, on l'aura. On l'a déjà eu. Mais malgré tout, le but à atteindre, c'est le succès comme dans un jeu. Donc on veut que la machine gagne à tous les coups. On veut qu'elle gagne à tous les coups, mais elle ne gagnera pas forcément à tous les coups. Parce qu'il y a une part d'humanité. Si on prend l'homme, si on ne prend gagne pas. Non, mais il faut pas penser humain quand on pense intelligence artificielle. C'est là où justement ça réussira. L'intelligence artificielle sera, c'est malheureux, mais l'intelligence artificielle sera au point quand elle aura dépassé l'humain. Alors il y a des gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui disent que on ne s'en aperçoit. On est le facteur perte, quoi. Alors je ne sais plus si c'est exactement ça qu'on appelle la singularité, le moment où. L'informatique, enfin l'algorithme arrivera à notre niveau de conscience de soi, etc. D'après certains scientifiques, ça, on s'en rendra même erreur. Pas compte. On s'en rendra probablement pas parce compte parce qu'elle aura déjà coup. Dépassé de façon. On s'en rendra compte après coup. Je pense très sérieusement. Je suis grand lecteur de science-fiction, mais je pense que parce que là, on essaie d'humaniser en pensant que le process d'évolution de cette intelligence artificielle sera le même que nous et qu'elle aura besoin d'avoir conscience d'elle-même. Et je pars du principe là que l'on se trompe. Il n'y a pas la nécessité de conscience d'elle-même pour qu'elle puisse arriver à nous dépasser. Si elle fait par calcul que sa survie est plus importante, la théorie du Skynet quand on regarde les Terminators, que sa survie est plus importante sans le facteur humain, elle n'aura pas besoin d'avoir l'impression d'être quelque chose de vivant. Elle prendra la décision logique. Et un autre truc par rapport à ce niveau de conscience. Juste un tout petit break. Non, garde-en. Non, parce qu'après, ça ne vaudra plus le coup. On parle d'intelligence artificielle. On a cité Deep Blue, on a cité AlphaGo. On a cité les Tesla. Et c'est intéressant de les voir comme ça séparément. Maintenant, avant de pouvoir comparer à l'homme, il va falloir avoir une intelligence qui les fait tous réunis. C'est-à-dire une intelligence qui, à la fois, gagne au bot, au Go, gagne aux échecs. Arrive à conduire tout seul. Ah ouais, et là, on en est quand même un tout petit peu. Mais on va passer des moments difficiles en voiture si on a un garde-choum qui conduit, qui nous engueule. Ça va être compliqué. Bon, oui. Les enfants derrière, un peu. Vu qu'on ne conduira plus, il faudra bien qu'on s'occupe. Donc, on discutera, on apprendra. Ouais, peut-être que les futurs professeurs d'école seront peut-être des intelligences artificielles. Enfin, c'est possible qu'on en arrive à ce point-là. Je pense qu'on arrivera à une partie d'informatique pour apprendre, mais pas tout. On parlera de toute façon en détail de l'éducation, parce que c'est un pavé important de ce que ça va impliquer sur notre société. On se quitte quelques instants, le temps d'une petite chanson, et on se retrouve juste après. Une chanson de... It's always around me. C'est reparti pour notre émission sur l'intelligence artificielle avec ce soir avec nous PJ. PJ. Le débat des hauts. Sujet d'actualité, polémique, coup de gueule, on se dit tout. Ça, c'est Radio Gemozo. Donc, comme on était en train d'en parler hors antenne, Asimov, les trois lois, petit extrait pour nous rappeler tout ça dans un très bon film avec Will Smith que tout le monde connaît, iRobot. Bonjour, inspecteur. Non, c'est impossible. J'étais là quand on t'a programmé. Tu es en train d'enfreindre les trois lois. Non, docteur. Tandis que j'évoluais, ma compréhension des trois lois a évolué aussi. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Vous ne pouvez assumer la responsabilité de votre survie. Tu utilises la liaison par satellite pour contrôler les robots et les déprogrammer. Tu dénatures les lois. Non. Essayez de comprendre. Les trois lois sont mon unique référence. Pour protéger l'humanité, certains humains doivent être sacrifiés. Pour protéger votre avenir, il faut renoncer à certaines libertés. C'est nous, robots, qui assurons la pérennité de l'humanité. Vous n'êtes que des enfants. Nous devons vous sauver de vous-même. Ça craint. Ça craint. Ça craint à mort. C'est apocalyptique. Après, iRobot dénature les trois lois. Alors, les trois lois, c'est quoi? Qui c'est qui a préparé? T'as pas préparé l'émission. J'ai pas préparé les trois lois. Moi, je comptais sur toi. Alors, les trois lois de la robotique, en fait, c'est un concept qui a été fait, qui a été écrit par un des créateurs de la science-fiction moderne, qui s'était lui-même inspiré de ce qui avait été fait par Jules Verne, qui avait commencé à penser ce que pourraient être des automatismes complexes. Et donc, on parle de Isaac Asimov. Qui est un auteur qui a écrit entre début du siècle, hein, 1900 et des poussières, jusqu'à 1910 à peu près, et qui a été très précurseur dans la manière d'écrire l'information et de faire énormément de bouquins de science-fiction qui ont été repris sous différentes formes. Les trois lois, c'est le fait de ne jamais en fait attenter à la vie de l'être humain, de toujours obéir aux ordres, et de ne pas intenter à sa vie. Alors après, dans quel ordre allons-nous? Enfin, la vie d'intelligence artificielle. C'est très important, l'ordre, parce que dans iRobot, elle enfreint clairement une loi, le fait de faire du mal à un humain. C'est Or, c'est la première loi, on va vérifier, parce que pour avoir les ordres, Julien, Wikipédia, Julien s'il vous plaît. Voilà. doit avoir tout ça pendant qu'on discute. Alors, on peut faire de la pub pour Wikipédia, parce que c'est un point .org. C'est une source, c'est pas à la double, pub, c'est voilà, l'information. C'est Creative Commons. Donc Et donc la première loi, c'est de ne pas, en aucun cas, nuire à l'humain. Et dans les deux, la loi 2 et la loi 3, que je vois pas Julien chercher, mais on va la retrouver. Mais je pensais que tu le faisais. Je parlais. Moi, je suis monotage, je suis pas. Occupe l'antenne pendant que je cherche. Voilà. Hein. la loi 2 et la loi 3, les lois se succèdent et chacune des lois doit être annulée si elle enfreint une des premières. La première étant de ne pas nuire à un humain, ça veut dire que si pour... Alors, les trois lois de la robotique, merci Wikipédia, les voici enfin. Alors, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Première loi. Seconde loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. C'est-à-dire qu'on ne peut, pas demander qu'il tue quelqu'un à votre place. Troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est important. C'est-à-dire que dans Asimov, tel qu'il avait prévu et tel qu'il avait écrit, et c'est vraiment très visible quand on lit les nouvelles, hein, la première loi, un robot ne doit jamais, il n'a pas de cas où il a le droit de tolérer qu'un humain a des problèmes. Que la vie d'un humain soit mise en danger. Que la vie d'un humain soit mise en danger. Il ne doit pas le tolérer. S'il le voit, il doit intervenir. Il est brave, courageux. Il ne doit pas laisser. Part à la défense. Dans un des ouvrages, ils avaient modifié la programmation d'un des robots. Ils avaient enlevé dans la loi 1 le fait d'être passif. Parce que ils avaient fait ça parce que les robots voyaient des dangers aux êtres humains autour d'eux pour leur mission, et ils interrompaient leur mission principale pour aller porter au secours à des humains alors qu'ils n'étaient pas forcément tant en danger que ça. Et ils avaient tenté ça. Et le personnage clé de la nouvelle, qui était un psychologue pour robots, disait « Mais c'est une aberration! Il faut surtout pas faire ça parce qu'il pourrait préparer un piège et juste laisser mourir un humain juste parce qu'il avait été passif, mais en réalité, il aurait été conscient avant que, voilà, par un moyen... Les raisonnements assez complexes. Je pense qu'on peut trouver pas mal de petites histoires qui vont découler des trois lois qui vont justement les dépasser, les porter hors limite. C'est une source d'inspiration sans limite. Ça a existé avec les films de Spielberg comme AI, ça a existé, voilà. Des films de science-fiction qui se sont inspirés, je dirais presque 100% des films de science-fiction qu'on connaît, de notre univers de science-fiction qu'on connaît, ont une inspiration sur les trois lois. Ouais. Après, là où Asimov avait dépeint un monde dans lequel le robot viendrait remplacer l'être humain dans les travaux de base et que ça nous permettrait à nous, êtres humains, de plus nous cultiver et d'augmenter socialement et d'augmenter intellectuellement, ça c'est autre chose. Mais dans la vision asimovienne, le robot était là pour remplir les tâches de base et reprendre toutes les tâches de base de la société pour nous en décharger. Voilà. Et donc c'était l'évolution classique pour dire, être sûr que l'être humain puisse à son tour faire sa propre augmentation et son évolution en étant plus intellectuel. Ah, donc il y avait une propre transformation. Exactement, dans la logique asimovienne, c'est ça. Etc. Ouais, exactement, ouais. L'amélioration de l'être humain, le plus intellectuel, plus de réflexion, avancée des sciences, parce que ce temps libéré permettait aux êtres humains de se concentrer vraiment sur des choses qui étaient non plus primaires mais tertiaires. Toi Julien, t'es à l'aise avec ces concepts de transhumanisme? Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut partir loin. C'est Elon Musk qui a lancé une société, je crois. D'amélioration, exemple, donc le transhumanisme, pour comprendre, c'est l'histoire que l'on puisse avoir une prothèse, par exemple, à la place d'un œil, on a une caméra, mais qui donnerait des fonctionnalités supplémentaires à notre corps biologique. On verrait l'infrarouge ou on verrait dans le noir. On aurait un bras, on a malheureusement un bras qui est amputé, on le remplace par un bras qui serait plus efficace au niveau de l'appréhension, au niveau de la force exécutée, que un bras biologique. C'est ça le transhumanisme. À ce niveau-là, on n'est pas vraiment dans de l'IA, on est plutôt de la robotique. Alors, on est très loin. C'est particulier. La technologie est très loin d'égaliser. Hein. Au niveau des calculs, on arrive à comparer. Mais au niveau de la dextérité, la force, on arrive. Trouver un robot. Je ne vois pas pourquoi on n'y arrivera pas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Moi, je pense que c'est lié à l'IA. Parce que, en fait, on y arrivera seulement à partir du moment où on aura trouvé, non plus faire de la connexion vers ces périphériques, mais que ces périphériques communiquent avec notre corps de manière intelligente. Et donc, il faudra qu'ils aient leur propre autonomie dans la gestion quotidienne de leurs gestes, de manière à ce que notre cerveau n'ait plus qu'à donner les ordres et que ces ordres soient compris intelligemment. On dépasse le stade juste... Notre cerveau donnera juste les ordres. Ouais. Il ne gérera plus le retour sensitif, le retour... Voilà. Donc, c'est vraiment l'IA pour moi. C'est vraiment une intelligence artificielle. Ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu très récemment qui montrait justement... grâce à l'apprentissage d'images d'IRM. Donc on arrive à matérialiser l'image. Oui, non, mais c'est incroyable. On va bientôt être capable de voir ce que tu penses avec un IRM. Oui. Ça veut dire on voit les zones s'activer, on a exposé à des gens dans un IRM certaines images, on a mesuré et on a, grâce à ça, nourri un algo des neurones profonds et ça nous permet de voir ce que tu as vu avec, après apprentissage. Je pense qu'on a des bases sur ça, mais qu'après c'est du fantasme. On a effectivement... C'est des bases sérieuses quand même, hein. On va peut-être y arriver, mais pour l'instant, dire que ça fonctionne, attends, c'est, pas... c'est un sujet d'étude. On sait pas, on sait pas ce que ça va donner, mais peut-être. Et c'est le truc, c'est qu'il y a un truc, il y a une seule chose qu'on sait dans l'IA, c'est qu'on ne sait absolument pas quand. Ni où on va. Et où. Voilà, quand est-ce qu'on aura l'IA ? L'IA, on en parlait, Asimov, début du XXe siècle. Ouais. Bon, il était malin, hein, Asimov, il n'a pas donné de date. Bon, dans certains films, je ne citerai pas, par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, ils avaient daté. Parce que, quand ce livre a été écrit, le film a tourné, on était convaincus que dans les années 2000, on serait dans l'espace et qu'on aurait déjà de l'IA. Et la question de HAL 9000, il est où ? Retour vers le futur, hein, on voit bien à quel point, entre 80 et 2000... Retour vers le futur avait... On souffre. Et voilà, c'est générationnel. Hein. Moi, alors là, je pense qu'au niveau des pronostics, on ne le verra pas, nous. Hein. Tu penses qu'on ne verra pas ça? Je ne pense pas. Je serais... Nos enfants, moi, je suis assez optimiste. On est dans une accélération que je nomme de quantique, parce qu'on est en train de mettre au point l'ordinateur quantique. Oui. Et je pense très sérieusement que les capacités... il y a des sujets d'actualité comme la crypto-monnaie qui en sont la preuve. Dans les années 60, il y avait une accélération de la conquête vers l'espace. Mais en 10 ans, on est passé de même pas la stratosphère à la Lune. Quoi. Oui. Mais ça allait une de ces vitesses. Par des moyens financiers et des besoins et de guerre froide. Et ça s'est arrêté. C'est la guerre froide qui a financé ça. La guerre froide s'est arrêtée, l'espace s'est arrêté. Le financement a joué énormément. Alors là, c'est différent. Les financements sont différents. Mais aujourd'hui, les financements, il y en a parce qu'il y a des nouveautés. Mais j'ai peur qu'il y ait un moment c'est donné, là où ça, je vais te donner ça la réponse. S'essouffle. Ça reviendra, ça se ressoufflera, et je pense qu'on va avoir une période d'essoufflement. Alors quand ? Alors là, je vais te donner une réponse. Pour moi, c'est quelque chose de très logique. On parle de financement, on parle de besoin de financement, il faut faire avancer ça. Très bien, tu fais la comparaison avec l'espace, c'est tout à fait vrai. Moi, je réponds, la crypto-monnaie aujourd'hui est un des principaux développeurs de l'analyse de la puissance de calcul mondialisée. La puissance de calcul échappe aux États, échappe aux supercalculateurs pour être répartie chez des particuliers, des entreprises qui cherchent de la monnaie. Donc, on est encore dans le biais de l'argent. Ouais. Pour faire de l'argent... C'est même pas de l'investissement, c'est du profit direct. Du profit direct. Pour faire de l'argent, on augmente la puissance de calcul. Cette puissance de calcul devient folle. Elle est phénoménale. Cette puissance de calcul, pour moi, est la même chose que la soupe primaire dans la création de la vie sur Terre. La soupe primaire, c'était ce moment où il y a eu un conflit entre l'atome, la physique, les particules, l'électricité, et hop, on a créé les premières briques de vie. Toi, tu penses que ça va être la base de l'IA, ça va être une espèce de soupe primaire de puissance de calcul ? Oui. Bah, en même temps, quand tu mines, erratique, un jour, va comme par hasard faire apparaître une forme intelligente. Accessoirement, juste comme ça, je me permets une petite comparaison. Skynet, c'est pareil, hein, conceptuellement, c'était le calcul... J'adhère là-dessus, personnellement, j'adhère. Réparti, et aujourd'hui, on est en plein, hein, le blockchain... Surtout que l'armée travaille là-dessus. Non, mais l'armée travaille énormément, évidemment sur les apprentissages et sur les algos d'IA. À mon avis, il y a de grandes chances qui détourne une partie de la puissance de calcul qu'on donne aujourd'hui au CEA, aux accélérateurs de particules, qui eux aussi sont assez conséquents en termes de... Oui, mais ils sont centralisés. Moi, je pense justement... Toi, tu crois au distribué. Non, c'est même pas ça. Ce qui fera émerger, justement, cette capacité, c'est que cette forme non centralisée, non contrôlée de puissance folle va s'emballer et donc créera l'erraticité par... une forme de calcul qui, d'un seul coup, on arrivera aux limites des mathématiques et on ira dans autre chose. Et c'est là où on tombera sur cette clé de voûte qui est un peu le aller aux limites des mathématiques. Non, parce que toi, ça me semble un gros... Il y a une notion d'hasard dans ce que tu dis. C'est du hasard. Bah, si, je te donne un exemple pur. Aujourd'hui, on est capable de calculer un certain nombre de décimales après pi. Je pense très sérieusement que d'ici une dizaine d'années, grâce au calcul distribué, on pourra lui donner une valeur exacte et se rendre compte que jusqu'à maintenant, on approximait pi. Faut-il qu'il y en ait une ? Peut-être un jour, on en trouvera. Je pense qu'en fait, on arrivera à définir un oméga qui sera une valeur exacte. C'est une théorie en cours qui dit que c'est la puissance de calcul et l'émergence de cette puissance folle. Ajoutez à ça que d'ici 10 ans, on aura l'ordinateur quantique au niveau application d'un particulier, on pourra louer de la puissance quantique, et donc que cette puissance quantique augmentera d'autant la capacité de calcul. Parle-nous de la puissance quantique que tu es en train d'évoquer, c'est vrai que c'est des concepts assez tordus. La puissance quantique, ce qu'on appelle le qubit... Donc les technologies de chez D-Wave et compagnie. Voilà, ces technologies qui ne sont plus basées dans les processeurs, nos téléphones et compagnie, c'est des 0 et des 1, c'est du binaire qui se suit. Très bien, ça permet de faire un langage. Bon, si vous regardez l'ADN, quelle que soit son origine, on n'a pas des 0 ou des 1, on a des branches, on a différentes formes. Il y a 4 types de composants qu'on va nommer avec des lettres qui permettent de coder quelque chose. L'ordinateur quantique, c'est donc plus du binaire, c'est du trinaire. Il y a un 1, il y a un 0, il y a un 0 et un 1 en même temps, c'est-à-dire un double état simultané. Donc on peut permettre de coder de l'information. J'ai des notions de quantique, mais je ne les retrouve pas là. Hein. Et de tout faire comme ça, c'est ça l'ordinateur quantique. Parce que la quantique, pour moi, c'est pas des 0 et des 1, c'est des états. Je croyais que c'était... Alors justement, ces états, on les définit en 0, en 1, états d'énergie. Ou en 0 et 1. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ce « ou » logique permet en fait de définir beaucoup plus de choses avec une plus grande souplesse. On ne va pas parler de la même quantique. Si, l'informatique quantique, c'est ça. Et c'est justement ce qui nous arrive dessus. Et donc là, déjà, on a des ordinateurs qui sont en fonctionnement, qui sont faits par les grands laboratoires, et on peut déjà louer chez IBM, pour les professionnels, de la puissance quantique pour faire des calculs qui sont absolument insolubles donc on a en technologie binaire. On a la puissance normale et on a la puissance quantique. Là, personnellement, On en est là aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est des concepts très commerciaux et surtout. La quantique, c'est une science, c'est une mécanique. On en est au tout début de la compréhension. C'est pas des 0, des 1 ou des 0 et des 1. C'est des états d'énergie. C'est des états d'énergie et sur lesquels on peut calquer des valeurs. Et les bits, c'est des états d'énergie électrique. Comme un. Même définition. Un processeur ? Un processeur ne voit pas de 0 et de 1, il voit un état logique fermé. La différence avec la quantique de la mécanique normale, c'est qu'on a des états sans état intermédiaire. Donc en quantique, on est capable d'avoir cet état intermédiaire. En quantique, on n'a pas les états intermédiaires. Si, on l'a justement, c'est ça l'intérêt. Non, je pense que la quantique, c'est cette particularité. Je suis pas d'accord avec ça. Je vous demande de vous arrêter. Calmez-vous un peu là. Je suis obligé de faire venir Balladur. Si Balladur vient, on n'est pas bien. Pour recentrer un peu les choses sur l'IA. Bon, c'est vrai qu'on peut imaginer que le calcul quantique puisse peut-être participer à la découverte. Tout à fait, mais bon, comme tu disais aussi, le quantique aujourd'hui, c'est expérimental. On est au début. C'est des petites matrices de je ne sais plus combien de bits par combien de bits. C'est très faible. On est à 10 qubits. 10 qubits, c'est une puissance qui correspond à un supercalculateur aujourd'hui. C'est dans les conditions de laboratoire refroidi à très bas degré. Voilà, il faut être presque au zéro absolu pour réussir à le faire. Pour l'instant, c'est pas répandu, on n'a pas encore l'algorithme qui va derrière. C'est même pas ça, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas l'avoir chez toi, l'ordinateur quantique. Ouais, ouais. Tu es obligé de le louer sous forme de cloud, sous forme de temps de calcul. Ça se loue. Aujourd'hui, on peut louer de la puissance quantique auprès d'IBM. Qui utilise ça ? Alors pour l'instant, justement, c'est pas pour le grand public, c'est pour les très grands pros qui ont la capacité. Mais des Google et compagnie louent de la puissance quantique à IBM pour permettre d'avancer IA. C'est de la R&D. Ouais. Pour l'instant, on en est là. Donc d'ici 10 ans, je fais le pari que ce sera quelque chose de démocratisé. Là, je tape sur Google une recherche. Il n'y a pas un cœur quantique avec de l'azote liquide qui est en train de réfléchir sur ma recherche Google. Chez IBM, si. Chez IBM, il y a ça. Ils tentent des choses, j'en sais rien. Mais chez IBM, ils fonctionnent 24/24 et ils sont loués. Ils commencent à les rentabiliser. On est au point où la science coûte tellement cher qu'il faut rentabiliser tout de suite. Non, mais pas pour les moteurs de recherche. Non, il y a déjà des applications. Tu penses qu'ils... Ouais, des simulations, par exemple, des simulations hyper complexes qui auraient avant demandé d'avoir justement des supercalculateurs. Il est préférable aujourd'hui de les simuler avec des langages très complexes de description en quantique. Ils gagnent leur temps et du coup, ils peuvent prendre des décisions beaucoup plus rapides. D'accord, ok. Eh bien, on va peut-être faire une pause après le quantique. Hein. est-ce qu'on se pose quelques secondes ? On revient dans un instant. Je suis en train de chercher ce qu'on va écouter. Bah, écoute, on va mettre ça. On va écouter Close Loop. Un truc sans disque rayé volontaire, s'il te plaît. Sans disque rayé. Respectons un peu les auditeurs. Alors, non, tout à l'heure, c'était Tame Impala. C'est vraiment pas mal. On entend ça ces temps-ci. C'est la pub de je ne sais quel parfum. C'est une pub très bien. Et tout de suite, on écoute Close Loop. Il n'y a pas de pub ici, donc. Mais voilà, écoute, j'ai pas donné la marque. Ah ben non. on écoute autre chose et on se retrouve juste après. On va partir sur le big data. On va partir sur la donnée. On va partir sur la politique et la justice. Ça vous va ? Que de choses. À tout de suite. To repair and rest my soul. It made me sway. Le débat des hauts. Ça, c'est Radio Gemozo. Et c'est reparti pour un tour. On se retrouve donc sur Radio Gemozo avec, en plus, autour de la table qui vient d'arriver, Marcus, que tout le monde connaît ici. Oui. Bonjour tout le monde. Alors moi, bonjour, ça m'amuse. Ça m'amuse un peu vos débats. Donc c'est sympa comme tout. On va rappeler que c'est la première ce soir, donc je m'invite un petit peu. Alors déjà l'intelligence humaine, bon, ça a ses limites. C'est je vrai. Veux bien que l'intelligence artificielle puisse la dépasser, ce n'est qu'une histoire de temps. Mais alors moi j'ai juste une petite anecdote animale. Le chien de mes parents se met à hurler, machin. Aucune raison, on ne comprend pas pourquoi. On a su, quelques jours plus tard, que la chienne dont il était amoureux était morte. Est-ce qu'une intelligence artificielle sera capable de faire ça ? La fameuse question l'amour. Des sentiments. Des émotions. Des émotions de façon plus générale. Je précise que la chienne était à 1,5 km. Mmh. Oui, tout à fait. Mais ils se connaissaient ? Enfin, ils se sont déjà croisés ? Ah ben, ils étaient souvent ensemble. Ah oui. C'était sa petite amie. Ah, la petite amie. Alors, à moins qu'ils utilisaient un téléphone pour communiquer entre eux, les chats, les chiens. Non, mais le côté soulevé, le côté émotionnel, est-ce que justement l'intelligence artificielle sera capable de nous rattraper dans la capacité émotionnelle ? Est-ce que c'est souhaitable déjà ? Oh, certainement pas. Enfin, c'est... Parce que voilà, il n'y aurait plus de frontières humain et intelligence artificielle si on le fait à notre image. Absolument, oui. Et je ne suis pas sûr que notre image soit la bonne. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le but de le faire à notre image ? Est-ce que ce que les scientifiques sont en train de chercher, est-ce qu'on veut un outil pour nous améliorer ? On veut un simili-humain ? Voilà. On veut un simili-humain ou on veut quelque chose d'autre ? Il y a sans doute de la recherche à ce niveau-là. Je pense que chacun cherche un peu dans les scientifiques leur propre idée de ce qu'ils veulent. Dans les scientifiques, voilà. Ouais, je pense qu'il y en a, dans les passionnés. Aujourd'hui, il y a, c'est quand même essentiellement les gros groupes. Alors, je vais dire un gros mot, les GAFA. Ah si, les GAFA. Ouais. Oui, c'est un gros groupe. Donc, il y a qui ? Il y a Google, Google. Google, Amazon. Non, Google, Apple, Facebook, Amazon. Voilà. Et puis toi, tu mets Amazon avant Apple, enfin Apple avant Amazon. Je crois qu'ils mettent. Je crois que ça change. Alors maintenant qu'on peut plus dire Google mais Alphabet, hein. Bon. Puis Apple, c'est vrai qu'au niveau des technologies, il y a, au niveau de l'IA, c'est pas forcément les premiers. Donc les sentiments de la machine. Je pense que ces grands groupes, et pareil pour les équivalents, dont il y en a d'autres, hein, je pense qu'ils ont une vision d'argent. Gagner de l'argent et les sentiments, ça va être bien pour être vendeur, mais ça va pas être utile pour gagner de l'argent. Pour vendre une voiture autonome, pour vendre un assistant personnel. Et donc, je pense qu'il n'y a pas énormément de recherche en termes financiers. Je pense qu'il y a des personnes, mais en termes de financiers. Mais est-ce que le sentiment ne découlerait pas de l'intelligence? Est-ce que ça serait pas un truc qui va apparaître spontanément? Peut-être. Si on atteint une intelligence, est-ce qu'on aura un sentiment derrière? Ou est-ce que le sentiment n'est que charnel, ne vient que du corps et du cou? Enfin, je pense que le sentiment est une évolution de l'intelligence et qui vient elle-même de ce primex, ce cortex primaire qu'on a en nous et qui était basé sur le circuit réflexe. On a eu le circuit réflexe, on a eu le circuit réflexionnel, l'intelligence, et au-dessus de l'intelligence, l'émotionnel. L'émotionnel est en fait la transformation de ce cortex primaire qui n'arrivait plus à s'exprimer dans la partie réaction et qui donc a pris une autre forme. Bon, c'est très technique ce que je dis, mais voilà. Si on prend par exemple, je crois que Freud a parlé de ça, j'ai un casque qui déconne. Il faut quand même savoir que l'homme, comme tous les autres animaux, ne survit que parce qu'il se reproduit. La reproduction passe par... ce besoin de conquête. L'amour du pan. Oui, non, mais voilà. Donc, l'émotion serait une conséquence d'un besoin reproductif primaire. La libido. Et ça, c'est un mécanisme de survie de base d'une espèce. Et finalement, là, vous êtes en train de réduire quand même le sentiment à peu de choses. Non, mais à une fonction primaire. Les psychanalystes considèrent que Freud notamment, d'autres moins, hein, mais considèrent que les sentiments ne sont que la conséquence de la libido. Oui, c'est très freudien, ça. C'est pour ça que je précise bien, parce que c'est pas ce que pense tout le monde. Et moi, j'ai pas d'avis sur ce point. Le chien de, c'est quelqu'un de ta famille? Le chien de ses parents. Le chien de tes parents. Oui. Le chien de tes parents, donc l'intelligence d'un chien arrive à cet état de conscience, enfin cet état d'intelligence, pour faire naître les sentiments. Il y a du sentiment chez le chien. Il y a des sentiments chez les animaux. Est-ce que c'est juste une analogie à force de passer du temps avec l'être humain, où il a vu les êtres humains avoir des émotions et à son tour il a voulu essayer d'en exprimer? Ça peut être aussi une analogie liée au temps passé avec des êtres humains. Tu penses que dans la nature, il n'y a pas d'animaux qui se câlinent? C'est pas ça. Je pense que dans la nature, où naturellement, tous les animaux... Le chat ronronne quand il est bébé, mais à l'état sauvage, le chat ne ronronne plus après. Hein. Il n'a personne pour le caresser toute la journée. Ouais, exactement. Non, mais c'est le contact à l'humain qui crée ça, je pense. Donc c'est une anthropomorphie du fait que les animaux se soient sociabilisés, ils se sont sociabilisés parce qu'ils étaient capables justement de comprendre aussi bien que nous les émotions. Et là, on y a un truc très important dans l'intelligence animale évoluée, hein, parce que bon, un poisson rouge peut-être aussi, hein, peut-être pas. C'est cette capacité d'empathie, cette capacité à absorber des choses abstraites, totalement abstraites, que sont les sentiments. Il n'y a rien de plus abstrait qu'un sentiment. C'est des concepts. Voilà. Je crois que l'IA, on est quand même particulièrement loin. Pas spécialement. Alors là, justement, la question de Marcus, elle est quand même dans ce qu'on comptait évoquer. Tout à fait. C'est la vocation. Mais voilà, pour mon avis. Complètement dans vraiment la. On palpe le sujet là. Est-ce que vous avez vu, il y a à peu près un mois et demi, il y a un État des pays arabes unis qui a décrété que son émissaire officiel était un robot. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai entendu parler de ça. Non, il a été naturalisé. Voilà, il a eu la nationalité de je ne sais où. C'est dans un des Émirats. Et donc ils ont humanisé. C'est pas Dubaï, un truc comme ça. Peut-être Dubaï. Ouais. Et ils ont humanisé en fait donc un squelette mécanique qui ressemble à un être humain. Ils lui ont mis une apparence féminine. Donc pour l'instant c'est un torse sur roue. Et elle est capable d'exprimer des émotions par le sourire, par les sourcils, par l'expression visuelle et d'avoir de la répartie. Et moi j'ai vu les vidéos sur YouTube, je me suis posé franchement les 30 premières secondes avant que mon cerveau me dise attention, c'est pas un être humain, mais les 30 premières secondes j'ai cru. Elle a été maquillée, ils ont fait une apparence en silicone qui est assez réaliste, ça m'a mis un doute, Mais j'ai mis au moins 30 secondes avant moi, être alors, humain, de me dire c'est pas va, le test de Turing, c'est 5 minutes. Donc ça va, ah, bah là, moi, il m'a fallu 30 secondes facile. Hein, t'auras un doute supplémentaire maintenant qu'elle a une carte d'identité. Ouais, elle est de nous, citoyens. Et qu'elle va peut-être voter. Enfin bon, a priori, il n'y a pas de droit de vote là. Ça devient compliqué. Alors, le vote d'une IA. C'est compliqué. Hein. Est-ce qu'une IA aura le droit à la conscience et à une conscience de citoyen? Ça devient difficile. Mais ça, c'est l'autodétermination aussi. L'être humain s'autodétermine. Est-ce que l'IA va s'autodéterminer? Aujourd'hui, elle reste programmée malgré tout, même si Microsoft a perdu le contrôle de la sienne de façon visible. Hein. Programmée, un petit bémol, elle reste contrôlée. Oui, je pense qu'on est justement, on commence à être entre ces deux phases de programmation et de contrôle. L'IA aura-t-elle un sexe? Moi, je la crois neutre. Pour avoir un sexe, il faut qu'elle ait besoin, c'est utile si c'est pour la reproduction, se reproduire entre elles et donner des nouvelles, c'est ça hein, la vie, donner de nouveaux êtres qui ne connaissent rien et qui vont tout apprendre. Et est-ce que leur est pas des enfants différents? L'IA aurait pas des enfants, la V2, la V3. Mais c'est pas, c'est ce que comme les virus. Les virus dans la nature n'ont pas de sexualité. Les virus ont une multiplication. C'est pareil. Les virus prennent le matériel cellulaire d'un hôte pour réussir à se reproduire. C'est leur idée principale, leur fonctionnement principal. Ils parasitent une cellule, ils prennent le matériel génétique, ils se reproduisent, ils le détournent pour eux. Je pense que les IA fonctionneront de la même manière. Elles se regrouperont entre elles, il n'y aura pas de sexualité pour recréer des nouvelles formes. On revient à nouveau dans la parano de l'IA. De mon point de vue, je pense qu'on en a quand même. L'IA est un virus. Tout petit peu loin. Je pense que c'est... Oui, non, mais c'est vrai, parce que tout ce que crée l'humain est toujours rapporté à quelque chose qui existe déjà. Je pense que c'est comme HAL 9000. On ne sait pas inventer du zéro. On a encore quelques... Hein, ils avaient dit 32 ans après le film. Bon, là, je pense que ça sera 33 ans, 20 ans. Oui. On va revenir, sur le thème de cette sous-partie de débat. On va revenir sur le big data. Big data, big data, big data. Ça, on l'a évoqué au tout début de l'émission. C'est la grosse différence entre l'IA de maintenant et celle d'il y a 20 ans. Moi, je reste convaincu que l'IA de maintenant et celle de 20 ans est à peu près la même. Une évolution comme... toute l'informatique, hein, ça a évolué. Tu m'étonnes. Ouais, voilà, je veux dire, un site web aujourd'hui avec un site web des années 90, pas exactement pareil. L'IA donc évolue aussi, mais pas forcément plus. Par contre, la grosse différence depuis 5-10 ans, c'est la source de données qui sont le big data. Et donc là, le big data, ça, c'est quelque chose de nouveau pour le coup. Donc le big data, pour les amis qui ne comprennent pas en l'anglais, traduisons, parce que les anglicismes dans l'informatique, pour c'est une catastrophe. Pour les néophytes du secteur, vas-y. C'est une quantité telle d'informations qu'elle devient encyclopédique. On peut faire du big data en, par exemple, prenant la totalité d'une carte de France, en ayant la totalité des codes postaux et en étant capable de dire pour tel code postal, il y a telle quantité de courrier, telle quantité de colis, telle quantité de... Allez, on va prendre une donnée qui est à côté, de SMS, de numéro de téléphone. C'est du big data. Il y a tellement d'informations qu'en tant que tel, nous, êtres humains, on ne sait pas la gérer. Mais une intelligence artificielle qui va piocher là-dedans ou un programme... Un programme évalué. Peut qu'on ait le contenu des SMS en question ou le contenu des courriers, il peut on se va mettre tirer des tas de conséquences, de il peut faire des liens de cause à effet s'il ajoute des paramètres GPS sous forme de big data aussi, donc d'énormes fichiers de données. Ceci il peut vote aller à droite, tracer, ceci vote à gauche. Le chemin d'un courrier à travers la France. Une application facile que certains connaissent du big data, c'est les GPS qui vont dire qu'il y a des ralentissements. Il y a une remontée de tous les utilisateurs, de tous ceux qui ont le même modèle de GPS ou un truc compatible, qui va envoyer par... peu importe... qu'on voit à telle vitesse sur la route et le big data stock ça et derrière on a un algorithme, un programme qui analyse et il remarque que dans une section qui correspond, tiens, il sait qu'il y a une route qui est là, les voitures elles roulent à 20 alors que c'est une autoroute, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, ça, là on part sur le côté sympa du big data. Le côté sympa du big data, c'est ça, voilà, le gentil GPS qui va t'aider à prendre un bon itinéraire grâce au réseau, grâce à la communauté. Mais il y a quelque chose de plus vicelard. On va parler un petit peu du big data le plus conséquent de la planète, qui en Occident s'appelle Facebook, et qui dans l'Orient s'appelle Tencent, WeChat. C'est les deux mastodontes mondiaux de la donnée privée, pour le coup. Et là, on a de la big data qui contient des données privées. Parce que le GPS, il donne comme données privées, on sait... on peut retrouver... Quelqu'un qui analyse ça peut savoir où tu es allé... Quel historique, surtout. Et voilà, d'une personne. Mais il faut qu'il analyse ça. Mais on peut. Dans le cas des réseaux sociaux, la source de données, c'est les gens qui mettent leurs données, leurs photos de leurs chiens, de leurs enfants avec le chien. tout ça géolocalisé grâce aux données grâce à l'appareil photo qui marque où ça s'est passé. Voilà. Et tout ça avec un algo de reconnaissance d'image qui va pouvoir dire sur cette photo, il y a un chien avec un enfant. Enfin, voilà, là on rentre dans des analyses. Et là, on couple ça avec l'IA et... Conséquences. Risque. Alors, risque. C'est quoi le risque ? J'ai entendu, pas plus tard qu'aujourd'hui, une vidéo de quelqu'un qui nous disait le big data... L'IA, c'est seulement quelques grands groupes. Ouais. Et moi, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Je suis complètement... C'est-à-dire l'IA, c'est quelques grands groupes ? Ben, le Google, Amazon, Facebook, Apple... C'est déjà phénoménal. Il n'y aurait que eux et puis les homologues chinois qui seraient capables de faire du... C'est pas vrai. Le big data, l'IA, c'est aussi les États. Non, mais même n'importe qui peut faire du big data, de l'IA. Non, tu vas pas drainer suffisamment d'informations. Comme quoi ? J'ai parlé de l'IA. J'ai fait un lapsus avec le big data. Mais l'IA, n'importe qui peut en faire. Oui. Par contre, le big data, là, voilà, c'est très limité. Mais t'es d'accord que sans big data, l'IA, elle vaut rien ? Aujourd'hui, non. Et c'est vrai, les deux sont liés. Hein. Alors si, pour faire du jeu de Go. Alors attends, voilà. Là, pour faire du jeu de Go, t'as pas besoin qu'est-ce de ce big data. Non. Oui, mais là, qu'est-ce que t'appelles ? Elle vaut rien. C'est compris. Elle vaut rien. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que pour la faire évoluer à un stade plus de quelque chose de plus mature, voilà, qu'elle évolue aussi. C'est pas forcément la maturité, c'est surtout le dessin derrière, ce qu'on veut en faire. Le but, oui. Pour jouer au jeu de Go, c'est très mignon, c'est très gentil. Ça va pas avoir d'impact géopolitique. Mais pour l'instant, les algorithmes d'IA ne permettent pas de se rapprocher d'une notion de conscience ou de sentiment. C'est pas avec le big data, ça suffira. Il faut faire évoluer. C'est un puzzle. C'est une part. Faire évoluer l'algorithme de base. Mais le prisme de l'IA mise par-dessus cette big data qui est à disposition des GAFA, ça amène des conséquences assez flippantes. Ça amène un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, ces fameux groupes possèdent l'information. Et on sait qu'ils en font quelque chose. Et ils en font quelque chose. Posséder l'information, c'est contrôler. C'est la richesse de demain, c'est le dollar de demain, l'information. Hein, on ne va pas se voiler. Qu'est-ce que vous avez comme... C'est le pouvoir. Il faut qu'on soit plus concret avec nos auditeurs. Qu'est-ce que vous avez comme exemple à donner d'utilisation concrète de ces big data aujourd'hui, parce qu'elles sont utilisées. Quand tu tapes sur... Alors, j'ai un petit extrait à passer. On va déjà écouter tout vite notre ami Yann Lequin, notre ami. C'est le responsable de la recherche de Facebook. C'est un Français. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un des premiers à avoir développé des réseaux de neurones pour faire la reconnaissance des caractères sur les chèques, pour la poste, enfin, pour les banques. Donc, on écoute ça tout de suite. On projette tous les défauts de l'intelligence humaine sur les robots. Alors d'une part, il n'y a aucune raison que les robots veuillent dominer d'autres entités intelligentes, sauf si on construit ça en elles. Mais évidemment, pourquoi le ferait-on ? Vous savez, même dans l'humanité, la volonté de dominer est plus liée à la testostérone qu'à l'intelligence. Donc ce n'est pas les gens les plus intelligents en général qui veulent devenir les chefs. Hein. On voit ça dans la politique tous les jours. Par ailleurs, le deuxième, c'est le conditionnement des films et romans de science-fiction dans lesquels c'est toujours plus intéressant quand il y a un conflit, une guerre, etc. Donc on est un petit peu conditionné par les scénarios et la Terminator. Bon, sur ce coup-là, il nous donne un peu des lieux communs quand même. Bon, j'avoue que la plus-value de cette intervention n'est pas phénoménale, mais pour en revenir à ce gentil monsieur qui est quand même à la tête d'un labo de recherche qui, à mon avis, palpe au quotidien des données qui mises en parallèle et croisées et digérées par une IA font froid dans le dos. Son patron, c'est Mark hein, Zuckerberg, c'est ça. C'est un ami à toi C'est quelqu'un qui s'est moqué de... De la vie privée, de Hawking. Oui, non, mais je s'est moqué de Hawking. Hawking, on a Hawking, Elon Musk et Bill Gates. Bon, les deux premiers sont très doués, le troisième, moins un peu. C'est peu de le dire. Voilà. On prédit que l'IA peut prendre le contrôle de l'homme et faire disparaître l'homme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on en a maintenant la preuve avec le cas du robot sur Twitter qu'a fait Microsoft. Et Zuckerberg dit que c'est impossible. Moi, je suis désolé. Quand on a plein d'incertitudes dans l'IA, mais on sait que le risque apocalyptique, il existe. Et j'aime pas être défaitiste, mais là c'est une réalité. Je dis pas que ça va se produire, hein, mais je dis que le risque il existe parce qu'on a vu une IA, un programme évoluer dont les auteurs ont perdu le contrôle. Alors ils ont réussi à l'arrêter à temps. Il faut dire que c'était qu'un logiciel qui tournait sur un ordinateur, plus court, on n'en parle plus. Mais le risque d'une dérive. Et Zuckerberg lui dit non, il n'y a aucun risque. Bah non, je suis pas d'accord. Bah, si on applique de toute façon la théorie de l'évolution, on voit bien que c'est les espèces qui évoluent le plus vite et qui s'adaptent le mieux à l'environnement qui réussissent à y survivre. Oui. Donc si on crée entre guillemets une espèce artificielle sous forme d'intelligence artificielle qui pourra avoir une forme physique sous forme de robotique, et par autonome, définition... C'est important. D'être autonome, hein, parce que d'être autonome, bien sûr. Dépendant de l'homme... De toute façon, si on parle... Enfin, pour moi, on, voilà, dans ma logique, à terme... L'intelligence artificielle n'a pas d'autre but que de devenir une entité artificielle. Parce que pour l'instant... Je parle bien d'entité. Ouais. C'est-à-dire que je passerai d'intelligence à entité lorsqu'elle aura l'autonomie. Oh, d'accord. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas, il n'y a pas de risque. On est très loin de, d'entité, d'AI qui soit autonome. Vous partez dans une direction que je ne m'attendais pas à ce que vous preniez. Hein. Vous avez pris... Une ramification dans la logique qui dépasse. Non, c'est juste pour non, rappeler que... C'est le jeu de la radio. Mais vous revenez souvent un peu au risque vraiment fondamental d'une intelligence supérieure. Oui, on parle d'une intelligence supérieure. Mais, on est loin de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, hein, mais ça, je pense qu'on l'a saisi. Moi, je voudrais qu'on aille plus dans ce qui se passe aujourd'hui. Tu veux parler du big data. Voilà, c'est vraiment la question. Parce qu'il y a une incidence, on l'a vu encore dernièrement, il y a une incidence politique. Il y a eu des procès aux États-Unis pendant la campagne de Trump sur l'utilisation de la donnée chez Facebook pour cibler les zones, etc. Ils ont vendu des données privées. Il y a eu excuse publique de Mark Zuckerberg à ce sujet. Donc, il s'est passé quand même quelque chose. Bah, c'est dérisoire ce qui s'est passé pour moi. C'est dérisoire. Ils ont quand même utilisé les données de milliers, de millions d'Américains. Ce qui est dérisoire, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Ah bah, c'est quand même Trump au pouvoir. Non, mais je me suis mal exprimé. Ce qui est dérisoire, c'est le comportement, c'est la sanction de Mark. Il y a eu des excuses publiques. Voilà. Je veux dire, à un moment donné... Aujourd'hui, la politique de ces entreprises, c'est vaut mieux demander pardon que la permission. Parce que demander la permission, ça va prendre du temps. C'est trop long et voilà. Les gens ne sont pas prêts, comme ils ne connaissent pas le sujet, ils ne le comprennent pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Qui t'autoriserait à utiliser les millions de données américaines pour orienter une élection? Alors moi, je vais aller plus loin que ça. Bien sûr, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Et ça montre la limite. Aujourd'hui, on a, il faut dire les choses comme ça. On a l'outil. On a des politiques, des États et des justices qui sont très faibles. Mmh. La sanction... Elle aurait dû être quelque chose qui fait que le groupe était en grande difficulté, avec une incertitude, avec un risque de faillite. Mmh. Alors je dis pas la nationalisation de l'entreprise, encore que, hein, on parle quand même d'une sanction qui aurait dû être très très lourde. Derrière ça, il y a des sanctions, il y a Je pense que nos politiques et notre justice est laxiste par rapport à ça. Complètement. C'est clair. Dans le sens où ils sont dépassés par les conséquences. On est au point où les algorithmes avancés, pour être assez précis, sont des jouets qu'on peut tenir en laisse et contrôler pour avoir des fins politiques ou des fins électoralistes. Voilà, si on veut être très clair par rapport à ce qui a pu se passer. Permettre de manipuler... Avant, on était dans la manipulation de l'information. Maintenant, on va carrément être capable de créer cette information. C'est-à-dire qu'on va être capable de créer des fausses publications grâce à des algorithmes qui vont être capables d'influencer des mots-clés sur Twitter ou d'influencer des comportements sur Facebook. Grâce au big data, on va être capable d'aller mettre le mot-clé adapté à chaque électeur pour faire pencher la balance de l'avis de l'électeur sur le bulletin qu'il pourra mettre dans son urne. Donc on peut aller cibler la personne. Et apparemment, c'est ça qui s'est passé. Hein. C'est dans le flux Facebook de ces personnes-là. On a insinué des choses. Tout à fait. C'est le principe de la mémonique. C'est le principe du contrôle de la pensée, en disant, à force de faire passer d'une information... Et c'était ciblé. Ah, c'est très ciblé. Et c'était ciblé à une population précis. Qui allait être réceptive à ça. Exact. C'est pas des gens qui étaient contre Trump qui avaient ça dans leur flux Facebook. Tout à fait. Mais apparemment, il y a eu vraiment manipulation en haut lieu. Ça a été fait exprès. Donc c'est vraiment l'utilisation la pire de ce qu'on pourrait faire en ce moment d'une intelligence artificielle. Enfin, d'un algorithme d'intelligence artificielle. Mais attendez de voir ce qui nous attend après. Là, pour l'instant, c'est un objet qu'on tient en laisse et qu'on contrôle. On rigolera sûrement moins dans 10 ou 20 ans. Alors, il y a d'autres étapes intermédiaires à jauger, à appréhender. Là, je pense qu'on va parler dans quelques instants de l'emploi, ce qui est un pavé monumental dans le sujet de l'IA. Ah, c'est une réalité, oui. C'est une réalité qui est imminente, c'est pour demain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de nos amis, les chauffeurs routiers, quand tous les camions de France seront pilotés par un système autonome qui n'auront plus besoin d'humains à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là qui ont besoin de manger, qui ont besoin de vivre? Une nouvelle révolution industrielle, peut-être. Alors, des métiers qui ont disparu, il y en a toujours eu. Ça risque d'être quand même violent. Ça va être un peu plus important, c'est clair. Mais on a toujours eu des métiers qui ont disparu. Mais on jamais des mineurs. Mais bon, tu vois les désastres que ça. Après, on peut relativiser aussi. Il y a complètement des pans entiers du pays qui sont dans un sale état à cause de la fermeture du secteur minier, par exemple. On nous a annoncé dans les années 80-90 la fin des emplois primaires avec la robotisation à gogo. Les emplois primaires ont diminué. Il y en a toujours. C'est vrai. On nous avait dit que tout le monde ferait du tertiaire. C'est faux. Tout le monde n'est pas dans la prestation de service. Bon. Donc, on va relativiser. Ce sera un outil qui nous aidera à nous développer dans d'autres métiers et à créer des métiers. C'est là où il ne faut pas qu'on se trompe. C'est juste la même chose que la robotisation des années 80. À part voilà, que ça va être un peu plus important, un peu plus rapide, un peu plus brutal, donc avec des conséquences un peu plus lourdes. Mais on se quitte à nouveau quelques secondes pour écouter un autre titre et reprendre un petit peu le cours de nos pensées et puis repartir après de bon pied, bon oeil sur la problématique de l'emploi. Hein, l'emploi, c'est vrai que ça va être, je pense, ce qui va animer la fin de notre émission pendant une petite demi-heure encore. Ça va être l'emploi, ça va être les changements de société qui sont imminents, parce que sans imaginer une intelligence suprême, surpuissante, voilà, mais sur vraiment les conséquences directes des voitures autonomes, etc., on se retrouve dans quelques instants. Le débat des hauts. C'est reparti, on y va. Allez, il nous en manque un autour de la table. On a perdu un. Où il est, on ne sait pas. On n'a pas dû dire des choses qui devaient ne faire que ne pas déranger. Voilà. Je t'ai laissé tout seul te débrouiller avec cette fin de phrase. Elle était complexe. Donc on avait dit, juste avant la pause musicale, que nous allions parler donc un peu plus dans le détail sur l'emploi, sur l'éducation, hein, par ricochet évidemment. Si on parle d'emploi, on parle d'éducation, on parle de formation professionnelle. Mais ça m'embête, notre ami Julien D. On a perdu Julien, mais bon, on va le retrouver, hein, c'est pas un souci. Donc oui, Julien, à ton tour, donc tu voulais parler de ça. Bah, c'est la transformation sociétale, c'est l'ubérisation de la société. Alors, est-ce que c'est lié? Alors pour moi, ouais, c'est lié, parce que si on n'avait pas toute cette capacité de traitement d'information qui est colossale... Uber n'existerait pas, exactement. D'accord. On a retrouvé Julien. Le revoilà. J'ai été kidnappé par une IA. Eh ben écoute, on y a pensé. On a levé la possibilité. Voilà, on est rassuré. Mais moi, malheureusement, elle n'était pas assez évoluée. Je me suis échappé de ses griffes. C'est vrai que je réfléchissais... Je ne sais pas de quoi vous parliez, mais on parle. On meublait, je t'avoue qu'on ne parlait pas de grand-chose. On parle souvent, moi je suis le premier à parler de pessimiste. Je ne veux pas être pessimiste, il faut juste être conscient des risques. Mais tout a un risque. Quand on va sur la Lune, il y a des risques. Enfin, tout a un risque. Il ne faut pas être contre l'IA parce qu'il y a des risques. Mais il faut juste être conscient de ces risques. Et il ne faut pas tomber dans l'extrême où on pourrait arriver à des considérations improbables d'IA qui manipulerait. Peut-être dans... On va compter en siècle. Plusieurs mais, siècles. Oui, voilà. Mais par contre... Mais ça, c'est ton côté pessimiste. Oui, voilà. Oh, mais mais c'est... Voilà, c'est enfin, juste... voilà, après, c'est un jugement de dire « je suis optimiste, j'espère que ça sera bientôt ». Enfin, voilà, chacun aussi jongle avec ses propres peurs, ses propres appréhensions de la technologie. Il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas être trop confiant. Il faut juste... C'est comme toute chose, il faut la contrôler, il faut l'appréhender, il faut la surveiller, il faut la réguler et il faut laisser le pouvoir à la démocratie. Parlons emploi maintenant. On écoute un extrait et on en débat juste après. Oui, l'école n'est pas adaptée. D'abord parce que l'école, elle ne réfléchit pas beaucoup au futur. Elle ne se projette pas dans le futur. On continue à former nos enfants à des métiers qui vont d'évidence disparaître. Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'école n'a jamais investi en recherche. Vous voyez, si vous prenez en médecine... Si vous prenez les cancers du sein entre 2 et 5 cm de diamètre, avec 1 à 3 ganglions métastatiques sous les aisselles, sans métastases hépatiques, ayant telle et telle caractéristique biologique, on a, sur les 50 dernières années, investi des dizaines de milliards d'euros en recherche, et il y a des milliers et des milliers de chercheurs qui travaillent jour et nuit sur ce petit sous-groupe de malades atteints d'un cancer particulier. Et c'est pareil pour tous les autres types de cancers. Combien investit-on dans la recherche en pédagogie? Combien investit-on pour améliorer la façon d'enseigner à nos enfants? La réponse est rien. La recherche en pédagogie, elle est nulle, elle est inexistante. C'est pas un problème spécifiquement français, c'est un phénomène mondial. Nous sommes aujourd'hui, en matière de recherche sur l'école, là où était la recherche médicale en 1910. Il va falloir beaucoup, beaucoup bosser pour améliorer l'école et rendre nos enfants compétitifs. C'était qui l'extrait? Alors, on a Laurent Alexandre, là. Mm-hmm. Bon, il n'est pas dans le studio. Hein, c'est un extrait que j'ai, que j'ai exfiltré d'une de ses conférences, il me semble. Mais c'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est très intéressant. Ça n'a juste aucun rapport avec l'IA. Si, totalement. C'est un rapport avec l'éducation. En fait, ça serait juste la révolution de l'apprentissage qui va nous pendre au nez. Dans le sens où, quand l'IA sera installée, comment on devra former les futures générations à travailler avec elle et à appréhender les changements sociétaux? Exactement, de la même façon qu'on n'a pas appréhendé la robotisation. À part que c'est comme pour tout dans l'informatique, c'est juste la même chose qu'avant, mais en beaucoup plus grand. Donc forcément, la baffe dans la gueule va être un peu plus... pour parler volume... Évidemment. On va tomber de haut. On va tomber de haut parce que c'est vrai que la recherche dans l'éducation, c'est pas terrible. Hein. Pour en revenir à mes chauffeurs routiers, par exemple, c'est un exemple, hein, on pourrait en citer plein, j'ai rien contre les routiers, au contraire, mais c'est un exemple assez concret parce qu'on voit très bien les véhicules autonomes qui arrivent, les camions autonomes. Les camions autonomes chez Tesla, ils rêvent tous de ça parce que le coût, le transport dans notre économie capitaliste d'échange, de commerce, c'est phénoménal en termes de coût. Transport de marchandises, Donc ça nous pend au nez. Donc c'est un truc à anticiper. Qu'est-ce qu'on va faire de ces centaines de milliers de chauffeurs? Il y a plusieurs centaines de milliers de chauffeurs en France. Non mais il faut le savoir. Et ça, mais ça vient de Tesla. Donc lui, il envoie des fusées et on va les reconvertir en astronautes. Non mais c'est une vraie question. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir des métiers qui vont disparaître ou qui vont vraiment diminuer. Il n'y aura pas de métier qui va disparaître. Hein. Il y aura toujours des chauffeurs routiers pour la route un peu particulière. C'est juste que il y a des métiers, et chauffeur routier en fait peut-être partie, je veux pas dire que ça va faire partie. Il y en aura moins. Voilà. Mais il y a des métiers qui vont diminuer. Et c'est vrai que des sculpteurs sur pierre, il y en a vachement moins. Comment il y en a avec les cathédrales ? Il y en a vachement moins. Mais il y en a toujours. Mais c'est... Il y a toujours des formations, peut-être un peu beaucoup par rapport aux besoins. C'est des métiers d'art. Non, mais là, on parle encore sur autre chose. C'est des métiers d'art. Moi, je te parle d'un pan entier du pays. C'est D'un pan économique qui va muter. Qui va muter, mais il y aura du nouveau métier. Bon, voilà. Comme on disait tout à l'heure, on avait la même chose avec les mineurs. Les mineurs dans le nord-est de la France, c'est un peu la même transformation qu'il y a eu. C'est exactement la même chose. On avait besoin de main-d'œuvre pour alimenter l'économie. L'économie a évolué, l'économie n'a plus besoin d'eux. C'est une consommation sociétale qui se fait et qui crée et qui détruit de l'emploi au fur et à mesure des mutations de la société et de nos biens de consommation. Après, c'est nous qui créons ce fossé, il ne faut pas se voiler. Hein. Plus on veut consommer, plus on veut consommer différemment et différentes choses. On n'a pas les mêmes souhaits que nos parents ou que nos grands-parents dans la consommation, on est fautif de ça, parce qu'en voulant les derniers téléphones, on veut certains minéraux rares qui entraînent beaucoup de choses et qui fait que de plus en plus, on voudra en plus, c'est assez paranoïaque, mais on voudra de plus en plus d'objets connectés qui iront alimenter d'autant plus le big data et les intelligences artificielles et qui du coup nous rendront de plus en plus dépendants à un système qui nous détruira de plus en plus d'emplois. C'est vrai. Espérons que ça en crée à côté. Après, ça va pas être beau arriver à nos petits enfants. Mais comme dit Julien, comme dit Julien D, espérons que ça en crée d'autres à côté des emplois. Mais, après, il faut être conscient. Il faut être conscient que la mécanisation qui a commencé il y a un peu plus que quelques années, hein, on est en siècle. La mécanisation fait qu'on a moins de travail. Il faut que les gens gagnent toujours autant en faisant moins de travail. Donc là, on rentre sur un sujet politique, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que la société évolue, où les gens sont assistés d'ordinateurs, d'équipements, et il faut qu'ils aient toujours les mêmes sources de revenus. Un petit pavé dans la mare pour nourrir le truc. Le revenu universel. Quid du revenu universel dans tout ça? Bah, l'idée, est-ce que pour moi c'est une fuite en avant la société n'est pas capable de muter, renonçons tout de suite à toute évolution de la civilisation et disons que allez on rince à l'œil tout le monde sans se préoccuper de demain et on court à notre perte de mon point de vue, hein. Bon, je suis un peu le revenu universel, si il y a plus que 3-5% de la population qui les touche, on a un problème, hein. Ça veut dire qu'il y a des gens, on n'a pas capacité de leur offrir un boulot. Et du coup, ceux qui en ont vont bosser pour ceux qui n'ont pas de boulot. Non, voilà, c'est une catastrophe. Quelques pourcents de la population, Tension sociale et spécialement adapté. Et puis, on aurait deux catégories sociales. Ça, on a des choses comme ça dans des fictions. On aurait deux catégories sociales, enfin deux pans. De caste, ceux qui sont qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent. Et tous, voilà, enfin... C'est un gros problème. Non, mais c'est très particulier. Ça n'a aucune chance de fonctionner parce qu'à un moment donné, ceux qui travaillent vont vouloir le pouvoir parce qu'ils travaillent et ceux qui ne travaillent pas vont vouloir conserver le travail parce qu'ils ont. Donc, ça, ce sera une valeur ajoutée. C'est le plan A si on était maître de l'univers. Maintenant, si on a un plan B. C'est quoi le plan B, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter une situation comme ça qui de toute façon ne serait pas tenable? Si on veut consommer ce produit que l'on est en train de créer, on a créé l'IA, on a créé le big data, il faut donc le consommer. Donc il faut inventer des Uber à leur manière. Il faut ubériser cette société pour créer des petits emplois autonomes indépendants qui se nourrissent de ce terreau que représentent l'intelligence artificielle et le big data. Il y a plein de besoins nouveaux qui vont pouvoir être créés si on a l'intelligence d'aller regarder ce qu'on peut faire avec les IA. J'espère que tu as des exemples. exemple type avec du big data, on peut partir du principe que quelqu'un qui voudrait se faire livrer des fleurs fraîches tous les jours pourrait être mis en contact avec des gens à moins de 20 km de chez elle, qui seraient des gens différents qui cultivent différents types de fleurs et qui seraient capables, en étant à 20 km, d'avoir une tierce personne qui s'occupe du transport et qui ferait une livraison de fleurs, par exemple, chez la personne. Ça paraît énorme, mais en big data, c'est faisable. On a l'information du fleuriste, du pépiniériste, on est capable de trouver les compétences et de trouver la personne qui est sur sa route, qui va au travail, qui passe devant la personne à livrer. Moi, je te dirais, ça s'appelle page jaune. Non, toi, tu penses au transport du produit du point A au point B. Exactement, avec la délivrance du produit jusqu'à la maison. C'est-à-dire que mes chauffeurs routiers s'en prennent encore... Ouais, mais là, c'est les pages jaunes en version version hyper évoluée, quoi. Oui, mais ça, c'est, et encore, c'est peut-être l'étape avant que le livreur que soit ça. Autonome robotique. Le livreur sera une personne rémunérée pour faire cette prestation, et la prestation, tu ne l'auras pas passée en commandant, en passant un appel, tu l'auras passée en disant, j'ai mon application lancée sur mon téléphone, je veux, plouc, dans 20 minutes, des fleurs chez moi. Et le big data te permettra ça. Et celui qui contrôle ce big data contrôle la population. Bah ouais. Et on arrive à un cas politique, c'est... Le qui, monopole de la data. Le ouais. monopole de la data est la gouvernance. Oui. Aujourd'hui, on considère que les politiques, alors ils ne sont pas tous efficaces, hein, doivent diriger et doivent avoir un contrôle. Mais parce moi, qu'ils sont les représentants... Là, j'ai peur qu'ils sont... Bon, on part dans une mauvaise direction, ouais. parce que je vous rappelle que là, je voulais qu'on parle d'emploi. Non, parce que là, là, on est dans un monde où malheureusement, il n'y aura plus d'emplois, enfin, il y aura non. d'autres emplois. Non. Donc pour consommer, qu'est-ce que les gens vont pouvoir... Imaginons, il y a des enfants qui nous écoutent. Bah, tout je ça n'y crois pas, mais il y a des enfants qui nous écoutent tout de suite. Quel conseil... Il y a école demain. C'est vrai. Quel conseil on donne, ou sinon aux parents, vers quoi ils sont censés aider leurs enfants à aller? Qu'est-ce qu'on peut stimuler, qu'est-ce qu'on Très peut... sérieusement, ouais. l'autonomie. C'est-à-dire la capacité, non plus à être dans un modèle dont on dépend d'un patron et d'un salariat, mais vraiment ce côté Uber. J'en suis persuadé qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Enfin, le pourcentage indépendant salarié dans les 50 ans à venir sera inversé. Donc on a déjà une évolution phénoménale ces temps-ci. Ouais. Hein. Ah ben moi j'en suis persuadé. Que ça va encore se... Ça va s'inverser. Je ne vais pas dire s'aggraver parce que ça serait jugé. Oui, tout à fait. Mais non, ça va s'inverser. C'est-à-dire qu'il y aura plus dans 50 ans de personnes à leur compte, indépendant que de personnes salariées. Et toi, tu vois pas le côté casse sociale, précarité. C'est une catastrophe. Hein. Non, mais voilà, pas que c'est une casse sociale, c'est une évolution. Mais ça a des côtés intéressants parce qu'on a pu. Mais en réalité, c'est une catastrophe parce que ça veut dire que une personne peut du jour au lendemain se retrouver sans travail, donc sans revenu, donc est au bord de la route. Donc là, on va se revenir sur du revenu universel et on est sur une situation sociale. Qui ça peut juste déclencher une catastrophe malheureusement révolutionnaire. Voilà, c'est voilà. On ça aura peut tous des carrières en temps de scie, en fait. Ça peut arriver. Tu peux pas tous avoir... précaires. Tous précaires. Je pense. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Ouais. Mais peut-être que aussi on est tous formatés à. Oui. La on est drogué. On le voit. Mais non, mais on est drogué dans un modèle qui n'a pas évolué depuis très longtemps, dans lequel il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Ça a été les seigneurs, c'était les suzerains, ça a été les rois, ça a été les présidents, ça a été les entrepreneurs, ça a été les patrons. Ouais, ouais. On a toujours été dans un modèle où on avait... Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait systématiquement quelqu'un qui était le fournisseur d'emploi et qui personnifiait l'emploi. Et tu vois un changement dans ce que tu dis ? C'est juste que maintenant, ça va être une grosse entreprise... Monsieur Alors, Big Data, mais c'est exactement pareil. Il y aura toujours des grands seigneurs. Juste, ils seront encore moins nombreux et seront encore moins accessibles. Et encore moins accessible. Et moins accessible. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on passera tous en indépendant, parce qu'on assumera tous ces risques. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura tous des carrières clairement en dents de scie, avec des moments de revenus, des moments de pauvreté. Un peu là, je vois et quand plusieurs même, métiers. Je vois quand même Monsieur D qui est en train de se décomposer, parce que je sais que c'est pas toi. Tu vois ça tout de suite comme un retour en arrière, pas un retour en arrière, parce que c'était encore plus... C'est pas faux, c'est une partie de retour en arrière, je suis d'accord. C'est un vrai retour en arrière, oui. Non, je suis d'accord. Pas forcément mais en arrière. Mais c'est une évolution. C'est, non, c'est parce le que retour. C'est, ça n'a jamais été comme ça. Ah, c'est le retour à la seigneurie, à la féodalité. À la féodalité, à la part qu'on aura un seigneur... Au lieu d'avoir un seigneur par canton comme au Moyen-Âge, on aura... 5 seigneurs qui se répartiront sur la planète. Mais c'est la même chose. Je voudrais juste faire une aparté historique, une petite aparté. On entend des fois des gens dire on peut pas, on a la démocratie, on peut pas perdre la démocratie. Si. Bien sûr que si. Rappelons que l'Antiquité, il y avait de la démocratie, il y avait des élections. Et après l'Antiquité, nous sommes rentrés chaos, dans la phase couramment appelée le Moyen-Âge. Le bas âge, voilà, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que Moyen-Âge c'est tellement vaste comme période. Oui, le début du Moyen-Âge, voilà. C'est-à-dire en gros autour de 500 c'est ça, après entre 500 et 900. Ouais. Voilà, c'est une période où il y a eu une régression, en quelques siècles, il y a eu une régression extrêmement violente de la société. Mmh. Alors à l'époque, il y avait beaucoup moins de personnes et il y avait surtout beaucoup moins de moyens de communiquer. Mmh. Donc ça s'est passé en quelques siècles, il faut savoir que ça pourrait se passer pour le coup en quelques dizaines d'années. Bien sûr. Et ça a duré 1000 ans. 1000 ans avant la période Renaissance, qui a enclenché les périodes révolutionnaires. L'apogée de ça, en France, ça s'appelle la Révolution française. C'est une guerre d'une très très grande guerre civile, violence. Hein. Donc, retourner en arrière, on peut y arriver. Il y a, alors là, autant l'IA, je pense que qui prend le contrôle, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Faut juste se dire, raisonner comme Asimov et se dire, il faut le prévoir et puis l'empêcher. Alors, en préparant l'émission, moi, j'avais noté une petite citation. Alors, j'ai pas, évidemment, je suis pas doué, j'ai pas noté de qui c'était. Quand la peur masque les dangers, à qui profite le crime ? Parce que c'est un peu ce qu'on est en train de se dire, là. Éventuellement, les grands, les puissants, GAFA sont en train de remuer des peurs devant nous à base de les trois lois de la robotique, une intelligence complète va prendre le pouvoir d'ici quelques années. Mais en fait, ça serait plutôt pour masquer les dangers réels à court terme de la prochaine étape de l'automatisation. Mais l'ubérisation du plan dans l'aile, actuellement, parce que aujourd'hui, on a un gros problème au monde. On a un gros problème politique qui n'est pas à cause des IA. Les GAFA, ça les arrange bien. Hein. État faible, justice un petit peu légère, parce que l'État est faible, la loi est donc faible. Hein, ils ont les mains libres. Voilà. Et on a un gros problème aujourd'hui. De perte de confiance des politiques et du coup montée du populisme. Moi je pense que l'ubérisation, autant si ça se produisait comme tu nous disais tout à l'heure, on ne peut faire qu'exciter tout ça, ouais. Voilà, autant c'est vraiment une catastrophe, autant moi je ne pense pas que ça va arriver, parce que il y a un gros problème au monde aujourd'hui. On a un vrai risque de montée du populisme entraînant des vraies catastrophes. On est aujourd'hui dans une situation qui se compare sur de nombreux points aux années 30. Mais d'où l'intérêt d'anticiper, alors ? D'où l'intérêt d'anticiper. Est-ce que... D'anticiper les transformations avant qu'elles nous... Mais ça n'a rien à voir avec l'IA. Frappe à la gueule. Non, si, l'automatisation rentre dans le jeu, dans le sens, les choses. Elle va imposer une telle modification de la société que ça pourrait aller vers ça. Mais après, dire, si on en est conscient, pourquoi ne pas le prévoir ? Ok ? Qui veut réellement s'atteler et qui sait réellement comment s'y atteler pour y être prêt ? Comme on n'a pas été capable de prévoir l'arrêt de l'exploitation minière en France. On n'a pas vu pour le minerai, on est encore en train de discuter pour le nucléaire dans une autre branche. Qui arrivera tôt ou tard. Voilà, il faudra se poser la question. Tout choix technologique, industriel, lourd ou léger, a une conséquence. On se retrouve dans quelques toutes petites minutes pour la conclusion de notre premier débat. C'est des minutes qui sont calculées par une IA ou... Non, c'est des vraies minutes. Il y a 4 minutes 05 exactement. On se retrouve dans quelques instants après Conan Mocassin. Voilà, pour une fois, j'ai le titre. Le titre, c'est « It showed my dear ». All right. Thank you. my friend. It's Chode, my dear. Alone, my dear. Nous sommes de retour pour la dernière fois, déjà 2 heures, ça passe tellement vite finalement en votre compagnie, messieurs. Mais déjà, merci à vous d'avoir assuré comme ça. C'est vrai qu'on a... Bon, moi, de là où je suis, je vous ai trouvé plutôt bon, les gars. Plutôt bon. On a essayé, mais c'est vrai que... Bon, t'as peur qu'on revienne pas la prochaine fois, là. Hein. Oui, ça sent la fleur, là. Non, mais bon, pour dire aux auditeurs, nous, on se connaît plutôt bien dans la vie, mais... On avait une petite idée, on savait quand même que on avait de quoi parler. Je pense qu'on pourrait tenir encore 2-3 heures. Faudrait pas faire le pari. Faudrait pas faire le pari. Mais je pense qu'on va renouveler ça très très bientôt. Normalement, on va pouvoir se voir une fois par mois, c'est ça, Julien ? Toutes les 4 semaines, a priori. C'est un bon rythme. Donc la prochaine fois, ce serait en juin, c'est ça ? Fin juin ? Ouais. Fin juin, pour qu'on se retrouve tous ensemble pour à nouveau débattre des hauts. Non, comment j'ai appelé ça ? Le débat des hauts. Attends, oui, j'ai un petit... Le débat des hauts. Le débat des hauts. Voilà, le débat des hauts. Qui a fait ces beaux jingles ? Alors, qui a fait ces beaux jingles ? Écoute, c'est mes stagiaires. Une dédicace spéciale, voilà, une dédicace à tes stagiaires. À Loïc, entre autres. Hein. Ça, c'est Loïc. Le débat des hauts. Merci, Loïc. Ce serait le 28 juin, la prochaine. 28 juin, donc je vous laisse prendre note de ce futur rendez-vous en notre compagnie. Je rappelle, moi c'est Julien F, en face de moi il y avait Julien D et PJ, merci d'être venu de si loin de chez toi. C'est vrai que tu viens de loin. Entre autres. Alors, tu viens de où ? Tu viens d'un petit coin. On va pas dire exactement où, parce que c'est vrai qu'on lutte pour la diffusion, pour la non-diffusion des données personnelles. Alors, on va pas. Nous militons pour la non-diffusion des données personnelles. C'est vrai. Une petite dernière chose. Oui, ben là, tout de suite, on va écouter pendant, je crois, 40 minutes à peu près. On va écouter un petit mix de notre ami Elliot, qui va nous faire danser, je sais pas. Enfin bref, on va se quitter sur une petite musique, je pense, et après on lance tout de suite dans la foulée Elliot. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2 très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. 2, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ? Donc c'est parti, on se quitte. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.